DevOps. DevOps, le magazine et observatoire du DevOps. Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous avons un petit nouveau avec nous. Je vais essayer de présenter, donc Nicolas. Bonjour, donc Nicolas. Je t'ai mis, je suis consultant SRE DevOps chez Serenity, donc une boîte que j'ai créée depuis 2 ans maintenant. Et ça va faire 15 ans que je travaille, un truc comme ça. D'accord. Bon, de toute façon, vous apprendrez à le connaître un peu plus durant le podcast. Et avec nous, nous avons 2 anciens pour le coup. Donc nous avons Romain. Bonjour. Moi, Romain Soufflet, toujours indépendant, toujours au ministère. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de reparler de la mission plus tard. Peut-être. Voilà. Ou pas. On verra. Super. Et Barthélémy. Et donc Barthélémy, en effet, un vieux routard du DevOps. Bon voilà, toujours fidèle au poste. Super. Bon voilà. De toute façon, vous allez apprendre aussi à nous connaître si jamais vous ne nous aviez pas vu avant. C'est la rentrée, même si on a fait déjà un numéro avant. Donc pas mal de petites nouveautés pour parler un peu de tout autour de DevOps. Vous l'avez peut-être vu, enfin, il y avait déjà les meet-up qu'on a fait. Vous pouvez bien sûr participer sur meet-up.com et décider de rejoindre si jamais vous voulez parler. Je mets toujours le nombre de places dans le meet-up qui correspond au nombre de micros qu'on a avec lequel vous pouvez participer. Sachant que bon, si on est beaucoup plus, on verra pour trouver une solution. Donc ça, c'est une première chose. Donc n'hésitez pas à regarder sur meet-up.com pour pouvoir participer. Vraiment, c'est tout à fait ouvert. On rappelle quand même qu'on est à Paris. Voilà, on est à Paris et c'est vrai que pour l'instant, on ne fait pas de podcast à distance. Là, et c'est la deuxième news qu'il y a là-dedans, on est à l'heure actuelle en direct live sur YouTube. Vous n'avez pas le lien et vous, voilà, nous sommes en... nous sommes en différé, donc voilà, là, le lien pour l'instant est privé. Mais plus tard, on va peut-être essayer de faire en sorte d'être en live sur YouTube, que vous puissiez commenter, nous voir en direct. Et voilà, on pourra peut-être prendre vos questions que vous avez en live sur ce qu'on dit et on essaiera d'y répondre. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà, pour l'instant, on est en expérimentation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez pour le coup et on verra. Donc voilà, donc là, on a une jolie caméra 360 devant nous qui nous filme en permanence. Donc voilà. En fait, c'est beaucoup plus sexy à l'écran que de regarder la caméra. Ouais. Mais ouais, ça prend un peu que ça m'arrive, faut pas regarder. Voilà. Non. Donc vous le verrez, voilà, on est en pleine expérimentation, vous nous direz ce que vous en pensez, voilà, on essaye et puis on voit ce qui se passe. Donc voilà un peu, et enfin un dernier point encore en termes de communauté, pour justement pouvoir peut-être discuter avec nous, nous faire part de vos remarques ou même part de sujets que vous aimeriez aborder. On a ouvert un spectrum dont le lien est sur meetup.com et de toute façon je le donnerai un peu partout dans la description là du podcast. Donc c'est un spectrum pour la communauté P7T. À l'intérieur, vous avez un sous-forum DevOps. Et n'hésitez pas à contribuer pour dire ce que vous avez aimé, pas aimé, pour contribuer aussi au sujet qu'on vient d'aborder. Il y a un topic ouvert pour chacun des sujets dont on va discuter. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter un peu plus. Et d'ailleurs, c'était comme ça que Nicolas nous a rejoint, puisqu'il a aussi commenté le dernier DevOps qu'on a fait sur l'observabilité. Et donc voilà, donc plein de choses nouvelles. Donc n'hésitez pas à venir, à donner votre point de vue, des choses différentes, des liens qui pourraient agrémenter un peu pour les autres auditeurs le podcast. Voilà, donc c'est sur Spectrum et vous aurez le lien très vite dessus. Allez, place au sujet. Exactement, place au sujet. Et surtout, place d'abord, comme on a un nouvel invité. Ah oui, on va peut-être quand même dire de quoi on va parler, un peu de teasing. Donc on va parler de formation des équipes, formation, comment atteindre de la compétence en fait. On va parler des tests dans l'infrastructure as code. Donc ça, c'est Nicolas qui nous apporte ce sujet-là, hein, en tout cas qui est intéressé par tout ça. Et j'espère qu'il est intéressé par le reste. Et on a enfin l'innovation dans l'entreprise. Et parce que dans le DevOps, voilà, il y a forcément un lien à un moment ou à un autre avec de l'innovation ou en tout cas des choses nouvelles. Mais je vois Romain qui commence à titiller et voilà, et on aura un super débat là-dessus. Donc restez jusqu'à la fin. Et au début, en tout cas, pour commencer, on va demander à Nicolas une petite question qui est un peu traditionnelle quand on a un nouvel invité, qui est qu'est-ce que pour toi le DevOps ? Alors, le DevOps pour moi, donc on va retrouver justement des pratiques autour de tout ce qui est automatisation, au sens large. Je ne veux pas rentrer dans l'automatisation versus mécanisation. Mais c'est plutôt, surtout, un état d'esprit pour moi. Et l'idée, enfin, l'idée, je trouve qu'elle est assez bien retraduite dans le bouquin The Phoenix Project. Ça va être de vraiment d'aligner la boîte sur des enjeux métiers. Et de retrouver vraiment la continuité que la, finalement, que tous les services IT soient au service du business et fassent progresser l'entreprise. Super, voilà. C'est très bien. Et ben voilà, on a une définition, en tout cas, on ne sait pas si c'est la définition, mais on a une définition. Et pour commencer, on peut voir pour une petite partie de news, si jamais on en a un peu. Moi, je vais commencer. Il y a une news, je vais essayer de prendre des news récentes, comme ça tout le monde sera dedans. Moi, c'est la news d'aujourd'hui de Microsoft qui a décidé de libérer 60 000 brevets et les donner à la Linux Foundation, ou la... Oui, la... OIN, ou je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est Open Initiative, je sais plus quoi. En tout cas, ils les ont donnés et ils les ont libérés dans un organisme qui permet de mettre en commun des brevets pour faire en sorte que les gens s'attaquent pas dedans. Et je trouve être un pas de plus encore, on en a déjà parlé dans d'autres DevOps, sur l'ouverture de Microsoft sur l'open source en fait. Et on voit vraiment un mouvement, enfin quand on se rappelle de Steve Ballmer qui disait Linux est un cancer pour l'informatique. Steve Ballmer, c'est un bon souvenir quelque part. Oui, mais ça, en tout cas, c'est un souvenir. Enfin, tu vois, c'est un souvenir. Et on voit vraiment une ouverture, donc on le répète encore. Si jamais vous avez encore un état d'esprit sur Microsoft et un truc qui était MS avec le dollar à la fin, comme on l'a tous fait, je pense, dans un forum ou un autre, un IRC ou un Slack, ça tend à changer. Ouais, ça a beaucoup changé. Ils soignent énormément leur image. J'ai rencontré des gens de chez Microsoft dans des meet-ups qui faisaient des talks très intéressants sur des sujets techniques. Ils libèrent les codes sources, ils vont sur GitHub. Je pense que la culture de l'entreprise a pas mal changé en 20 ans et il faut juste qu'on commence à s'en rendre compte, qu'on arrête un petit peu de bâcher. Ils ont toujours certains défauts, mais malgré tout, ils font quand même pas mal d'efforts et je trouve ça intéressant à souligner quand même. C'est même moins qu'en 20 ans, parce que c'est sous leur nouveau PDG, alors qu'il y a un nom imprononçable. L'ancien directeur Branch Cloud de Microsoft. Ouais, qui a vraiment fait une révolution en, je passe 5-10 ans, même moins, j'ai l'impression, parfois. Mais... Mm. C'est vrai que maintenant, c'est quand même intéressant de pouvoir suivre certains de leurs projets qui, vraiment, pour le coup, m'intéressent. Hein. Le dernier que j'ai en tête, c'était sur la 3D dans le browser avec OpenGL. Vraiment, ils font un travail qui est formidable et sur vraiment tout un tas de sujets que j'aurais pas forcément soupçonné venant de chez eux, mais bon, pourquoi pas, en final. Hein, autant accepter qu'ils fassent des choses bien, parce que, après tout, pourquoi pas. Parce que c'est vrai, hein, tout simplement. Bah oui, tout simplement. Mmh. Je crois qu'effectivement, ils revendiquent un peu, peut-être pas être de la top, la première boîte qui contribue à l'open source, mais en tout cas d'être dans les plus impactantes. Alors après, peut-être la limite à l'histoire de brevets, c'est effectivement, c'est pas tout à fait donné, je pense c'est plus des... Comment s'appelle des... Ils garantissent l'usage, en tout cas, ils viendront pas t'attaquer contre. Enfin, il y a eu un moment, il y a eu quelques tweets que j'ai vus ce matin, c'était... ouais, on allait en donner tous nos brevets. Alors, c'est déjà pas tous les brevets, c'est seulement 60 000 sur les, je sais plus combien de centaines de millions, de milliers qu'ils ont. Et après, c'est plus, c'est un droit d'usage qui est donné, c'est pas complètement du brevet open source. Bon, après, bon, c'est des précisions d'usage, mais c'est pas... Mais c'est effectivement, c'est déjà un grand pas. C'est plutôt un consortium où tout le monde, en fait, met ses brevets dedans, voilà. Et s'applique de pas s'attaquer mutuellement, c'est parce ça. Que si jamais quelqu'un attaque, ça, tout le monde se retourne contre lui, ou un truc comme ça. C'est un zéro-sum game au sein d'un consortium, quoi, d'après ce que j'ai cru comprendre là-dedans. C'est un terrain neutre. Mais ce qui est plutôt pas mal, mais ça veut dire aussi, sans doute, on disait ça il y a pas longtemps, je me souviens plus de... à quel moment ou quel article j'avais lu, donc il est soumis à caution extrêmement forte là-dessus, mais qui était qu'à l'heure actuelle, Google, Microsoft et Apple dépensaient plus en frais d'avocat dans les patentes trolls et dans même les attaques entre eux que en R&D. Donc on arrivait à un truc complètement ignoble où tout le monde en fait arrivait, même si des fois ils gagnaient, les frais d'avocat qu'ils avaient eu pour gagner et des fois ils perdaient, etc. Ce qui fait que, in fine, tout le monde dépensait énormément de fric juste dans les frais d'avocat sur les patents, sur les brevets. Ouais, donc c'est pas si désintéressé que ça, c'est pour calmer le jeu entre les puissants. Ouais, mais les puissants de l'IT, quoi. Mais je pense que c'est ça qui est bien, en fait. Enfin, ouais, on a quelque chose où, enfin, en gros, tout le monde met en commun son jeu de la terreur ensemble, en se disant on a tous des armes nucléaires, mais si jamais on les a toutes ensemble, bah personne n'y touche, quoi. Enfin, en se disant quelque chose comme ça. Okay. Ça pourrait ressembler à ça, je pense. Donc voilà, moi, ma news d'aujourd'hui que je trouve être juste une révélateur de tout le reste. Je sais pas, je pense qu'elle aura pas un impact sur notre vie comme ça, là, tout de suite. Je pense pas qu'il y a un brevet dedans où d'un coup on a, ah, ça y est, on peut utiliser le clic droit de la souris. Parce que je crois qu'il y a un brevet là-dessus, hein, sur le clic droit de la souris. Il y a un troll à une époque, ouais. Ouais, voilà. mais bon, je pense pas que ça révolutionnera notre vie, en tout cas, là, à l'heure actuelle, dans les prochains mois et ma venue à venir. Voilà. Autre news, Non. Non. Moi, j'ai un truc, éventuellement. Bah, rapide. Oui, moi, j'ai deux news. Un truc sympathique, moi, qui va peut-être nous impacter plus au quotidien que les brevets de Microsoft. Qui a pas forcément grand chose à voir avec le DevOps, mais bon, avec l'informatique, oui, c'est quand même AMD qui revient en puissance sur le hardware consumer. Ça, je trouve ça cool. Alors, c'est moins cool parce que Intel a des difficultés, blablabla, mais de voir que la concurrence marche toujours et qu'il y a un gars qui était largué depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, qui revient dans la game et qui pèse, ça fait plaisir. Et voilà, voir du nouveau matériel, du nouveau hardware, des nouvelles choses qui arrivent, c'est toujours sympathique pour les geeks que nous sommes. Et moi, là-dessus, la question que je me pose, c'est qu'en fait, là, toute l'architecture Zen qui est apparue, elle a été faite par des gars qui sont tous partis de AMD. Et ouais, ils sont partis chez Intel ou chez Nvidia. Enfin, chez Intel, Apple, pour créer leur nouvelle puce, ouais. Etc. Chez Nvidia même. Le gars ça veut dire quoi, le lead architecte Zen, en effet, il est maintenant chez Intel. On verra ce qui va sortir. Mais... Ouais, c'est-à-dire que demain, AMD, c'est jamais... Parce qu'on sait que les cycles de développement de ce genre d'architecture-là, ils sont sur 4-5 ans. Ouais, au moins. Donc, ouais. Dans 4-5 ans, AMD... On verra, c'est peut-être ça là que je me dis, mais non, par contre il y a un point là-dessus que tu relèves qui est que là à l'heure actuelle, donc on a des technologies, là on le voit dans les architectures Zen et l'architecture serveur qui sont les EPIC, qui sont genre des brutes mais qui ont un comportement très très différent de tous les autres justement AMD, ils ont sorti une espèce de, je sais pas, c'est un tooling ou un framework pour mieux utiliser les features de leur CPU EPIC sur Microsoft. Sur Windows. Voilà. Mais justement, en fait, c'est ça le point qui vient derrière, c'est que en fait, on a des architectures maintenant qui sont différentes, et donc peut-être de traiter. Enfin, est-ce que demain, on avait déjà eu ce point-là à un moment, c'est est-ce que demain, on doit traiter le hardware comme faisant partie de notre software ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, en fait, tout le monde est dépendant du GCC. C'est-à-dire quand on télécharge un paquet Debian, CentOS, etc., il a été précompilé pour une architecture X. On nous dit AMD64, ça veut rien dire, puisqu'en fait, c'est quelles sont les architectures, est-ce qu'on utilise du SSE, est-ce qu'on utilise quelle version de SSE, etc. Et là, quand on est dans des architectures type pas bulldozer, mais Zen maintenant, on voit que ça a un impact vraiment fort. Et donc, moi, j'ai toujours un petit problème maintenant à ce qu'on ne parle pas d'un logiciel basé sur un hardware et sa manière de fonctionner. Enfin, je trouve qu'on a encore un degré de retard sur l'optimisation des logiciels qu'on fait par rapport à la plateforme qu'on utilise. Donc, on s'est mis dans l'esprit, parce que c'était le cas pendant 15-20 ans, qu'on avait une architecture unique et une manière de construire et de compiler ces logiciels uniques. Mais en fait, ce sera peut-être de moins en moins le cas. Bah, c'est un peu ça que je me dis, et donc ça va peut-être nécessiter un nouveau concept même de logiciel. On voit aussi qu'il y a l'architecture MIPS qui arrive pas mal, et parce que c'est open source, etc. Il y a la montée en force des ASIC aussi qui arrive sur les calculs d'AI, les calculs de plein de choses. Oui, c'est ça, oui. Il y a tout ce qui est le calcul des AI, et donc ça veut dire avoir du matériel adapté au truc qu'on fait. Enfin, je trouve que là, à l'heure actuelle, en fait, on a justement une montée plus encore même de l'architecture customisée, de l'architecture hardware. Oui, il y a une spécialisation du hardware, que ce soit pour du threading, que ce soit pour du GPU computing, que ce soit pour de l'ASIC, pour des applications hyper spécialisées. Ça a toujours existé, hein, ça a toujours... mais on en parle et il y a un petit mouvement qui est en train de se faire. Alors, est-ce que ça va se transformer et ça va se généraliser ou ça va rester une niche? On ne sait pas. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Il y a une question, c'est que ça peut très bien rester une niche parce que nous, en tant que DevOps, SRE, etc., on n'arrive pas à déployer sur ces architectures-là et on n'arrive pas à avoir un cycle. Donc ça restera une niche parce que juste on ne sait pas, alors que ça serait très, très performant. Ou est-ce que ça va se développer? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer d'utiliser nos paquets AMD64 complètement compatibles avec toute la Terre? On a des solutions, on peut gérer différentes architectures, ça a toujours été prévu, mais c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est généralisé. Voilà. Donc là, on aura, à mon avis, ça se trouve, on aura demain des nouvelles question à se poser sur quels sont les conteneurs, c'est-à-dire peut-être faire, on l'a déjà, hein, la cross-compilation des conteneurs pour ARM64, ARM32, pour le Raspberry Pi qui va bien, pour AMD64, pour Windows, etc. etc., etc. Ouais. Et là, il va y avoir plein de questions là-dessus sur les tests multiplateformes comme ça et multi-architecture, comment on teste ça, comment on s'assure que ça marche. Sachant que maintenant, voilà, le conteneur va commencer à être dépendant, enfin, en tout cas notre logiciel, de la plateforme sur laquelle il tourne. Voilà, donc on aura plein de questions à se poser. Je connais pas encore l'impact qu'il va y avoir sur les entreprises et l'aspect business, mais moi en tout cas ça me fait très plaisir de me plonger dans ces problématiques-là. Hein. Mmh. Bah voilà, je pense juste pour le challenge, j'adore ça. Je pense qu'on aura des discussions là-dessus, en tout cas dans les mois/années à venir, mais voilà, super news. Je sais pas si quelqu'un en a une autre. C'est bon ? Allez, vas-y, on va commencer par le premier sujet sur la formation. Alors ça, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur en ce moment, puisque justement, c'est quelque chose que je commence à faire, donc des formations autour du DevOps, autour des outils qui vont autour, Kubernetes, Docker, Git même des fois, Jenkins. Et c'est des formations à l'heure actuelle qui sont, on va dire, traditionnelles. C'est des formations de type une journée, deux journées, soit au sein de l'entreprise, soit dans un institut de formation. Les gens viennent se former, on fait des ateliers qui vont avec, et à la fin, c'est des ateliers donc très théoriques, même s'ils sont des fois pratiques, mais ils sont dans un univers quand même très très cadré et très très édulcoré par rapport aux contraintes qu'on va avoir directement en entreprise. Et à la fin, on en espère avoir une connaissance. Je suis sûr que les gens sortent de là avec plus de connaissances qu'ils ne sont rentrés. La question que je me pose, c'est, donc c'est très bien, les gens sortent avec plus de connaissances, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une meilleure façon d'apprendre? Et en fait, quelle est la bonne façon d'apprendre et de transmettre du savoir dans une entreprise? Et c'est une question assez ouverte. Voilà, là, j'ai placé un peu le contexte. J'ai mes propres avis, bien sûr, mais j'aimerais avoir le vôtre sur ce contexte du savoir et de la transmission du savoir en entreprise. Dans le contexte DevOps ou dans le contexte global? Alors, je pense qu'il vient. Alors, c'est bien de se mettre ce cadre-là. Là, c'est vrai que les formations que je fais, elles sont dans le cadre DevOps. Donc, c'est des formations. Les outils qu'on utilise sont des fois des outils techniques, mais in fine, en fait, il y a plein de backgrounds à savoir. Donc, en fait, on est plus dans une culture, parce que chaque outil ne vient pas indépendamment. Il vient dans une sphère d'influence. On fait pas du Jenkins si on veut pas faire CI. C'est pas juste un outil qu'on va utiliser pour à peu près tout. On va pas faire du Git si on veut pas faire des branches, etc. Ça sert à rien d'utiliser Git pour avoir juste un master et c'est tout. Donc en fait, ça vient plutôt dans une philosophie. Et souvent, quand on fait une formation sur un outil, on fait aussi la formation de ce qui va autour. Et donc en fait, il y a toujours cette transmission du savoir, de la connaissance ou d'un état, au sens très très général. Donc c'est pour ça que ça a trait énormément au DevOps, mais c'est vrai que c'est pas limité au DevOps, je pense, là, dans la formation et dans l'idée, en tout cas, que je m'en fais de la transmission du savoir en entreprise, qu'on va appeler formation pour avoir un terme... Dans le sens large. Dans le sens très large, voilà. C'est pas le moment où on est en formation. J'avoue que nous, on a des problématiques liées à la formation. Quand on essaye de former des profils au logiciel qu'on est en train de créer là au ministère, par exemple, on parle souvent de prérequis. Et souvent les prérequis, par exemple si on dit en prérequis pour utiliser notre forge, il faut connaître un minimum Ansible, les gens arrivent en disant on connaît Ansible et finalement ils y connaissent très très peu, ils connaissent à peine par exemple le fonctionnement d'une clé SSH et ça limite réellement l'apprentissage derrière parce que nous on s'appuie fortement sur les mécanismes qui permettent à Ansible de fonctionner et du coup on se heurte un peu à un mur et on a vraiment des gros problèmes avec ça, c'est les formations pour qui elles sont et par où on passe et jusqu'où on creuse le sujet et ça c'est des questions qu'on se pose énormément en ce moment. Et ça, c'est là, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est dû à un silotage? Puisque là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que vous avez développé une solution avec des prérequis que vous connaissiez, enfin voilà, qui reposaient sur des bases qui n'étaient pas en fait partagées uniformément au sein de l'entreprise, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est concrètement la première fois que la formation a été donnée, on s'attendait à ce que tout le monde connaisse Git. Parce que pour nous, c'était logique. C'était ce qui était naturel pour nous. On a des profils qui n'ont jamais utilisé un seul logiciel de gestion de version. mais jamais aucun, hein, pas Subversion, pas CVS, rien du tout. Concrètement, on a passé une demi-heure à réexpliquer Git. Une demi-heure, c'était pas suffisant pour ces profils-là, et les autres profils se sont un peu, ils ont rien eu à faire puisqu'ils connaissaient déjà. Donc, on avait vraiment une sorte de. En fait, la formation a perdu son rythme concrètement. Donc, on a perdu pas mal de profils au niveau de leur attention. On a perdu les profils moins capés techniquement parce que c'était trop technique. Donc, au final. Ce sujet formation est vraiment un sujet très problématique. Si on s'organise en session et qu'on essaye de former plusieurs personnes, on a ce problème d'homogénéité dans la classe. Après, moi, je sais que des formations individuelles sur des sujets très précis comme SSH, comme Git, ça marche très bien, mais à un niveau individuel, ça va pas très vite pour former une entreprise, par exemple. Est-ce que c'est pas juste un problème de calibration? Parce que là, tu dis, il y avait différents types de profils, est-ce que c'est pas juste... Avant même la formation, le fait de vouloir faire participer et de pas avoir cerné les différentes personnes, les différentes aptitudes et les différentes attentes qui a amené cette espèce de conflit au moment de la formation. Oui, je pense que dans notre cas, il y a eu un peu de ça. Le problème, c'est que le contexte nous permettait pas de faire mieux, en fait. On a un projet qu'on... C'est pas tellement qu'on l'impose, mais il est très vivement encouragé au niveau du ministère. Donc, beaucoup de projets rejoignent le cloud du ministère au travers de notre forge. Et donc, par cet intermédiaire-là, ils sont obligés de se former aux outils qu'on utilise, malgré le fait qu'ils viennent de plein d'horizons différents. Donc, on n'a pas ce luxe de pouvoir mieux filtrer ou mieux calibrer le public qu'on a. Donc, c'est plutôt à nous de nous adapter. Et donc là, c'est la grande question, comment on fait pour s'adapter à des profils multiples? Donc là, la question, en fait, l'ABABAR, c'était la division des profils au sein de la formation. Moi, là, c'est la question qui peut me venir, et je ne pense pas qu'elle soit vraie, hein, mais c'est est-ce que votre outil n'était pas adapté par rapport au profil que vous aviez? Ou est-ce qu'il aurait fallu avoir plusieurs outils pour plusieurs profils différents? La question, c'est est-ce que le problème vient de la formation ou est-ce qu'il vient du fait que l'outil n'était pas adapté? Et en fait, la formation n'est qu'un révélateur de l'inadaptation du logiciel au contexte voulu à la base. C'est une question, je connais pas du tout ton contexte là, je pose la question de manière très très candide là-dessus. C'est très difficile de répondre là-dessus parce que on a un produit qui du coup est complexe par nature, puisque on vise en fait via cette solution à encourager toutes les bonnes pratiques du monde DevOps. Donc, on est sur des architectures immutables, on est sur de l'infra as code, on est sur des logiques de mise en production où on va pouvoir mettre en production plusieurs fois par jour, même si concrètement c'est impossible, on est dans un contexte ministériel, donc on a quand même des contraintes. Mais malgré tout, on met en place tous ces outils-là, ils ont une certaine complexité. Je pense qu'on a fait au plus simple en tenant compte de nos contraintes. Maintenant, comment faire les formations pour aider les différents profils à s'en servir? On est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que je vois pas comment faire plus simple de notre côté et les profils qu'on a, c'est notre situation de base. Donc maintenant, on a vraiment une carte à jouer. Comment on fait? Ça, c'est une vraie question. J'ai pas de réponse actuellement. C'est alors avant, si jamais on voulait avoir cette division des profils, on avait le système des certifications. Et justement, je sais que c'est quelque chose, toi Romain, que t'as dit. Et avant, c'était comme ça qu'on faisait. La formation était adaptée pour avoir le prérequis. C'était certification niveau 1. Voilà, on avait coché la case. On passait à la certification niveau 2. Et comme ça, on savait, quand on faisait une formation, voilà, on parle à des gens certifiés niveau temps sur telle technologie, tel principe, encore, etc. Hein. Voilà, et... Et toi, Nicolas, je sais que tu avais... Après, moi, j'ai aujourd'hui... Enfin, c'est pas forcément la même la réponse, mais le client chez qui je suis actuellement, c'est plus de dire de distiller les savoirs, en fait, au fur et à mesure. On a un certain nombre de créneaux qui sont soit un peu, on va dire, de meet-up interne, donc soit plutôt orienté qualité, qu'on veut améliorer des pratiques, où là, chacun va un peu venir sur un sujet donné, et puis on essaie de faire avancer le sujet. Là-bas, typiquement, ils ont déployé Vault pour tout ce qui est gestion des secrets. Donc là, le but, c'est finalement c'est que la personne qui a mené le projet, finalement, aujourd'hui, a fait une présentation pendant une heure en disant tout ce qui a été fait, voilà vos impacts sur tout ce qui est mise en production et surtout les process qui les concernent directement. Alors, effectivement, il y a des infos en plus, mais maintenant, le focus, il est sur voilà ce que vous avez besoin de savoir. Et le reste, tant pis, c'est une infraction et ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe en dessous. Quoi. Moi, je sais que là, pareil, j'ai refait toute la plateforme de recettes à base de conteneurs Docker. Docker a été mentionné, mais ils en voient qu'un tout petit bout parce que eux, ce qu'ils voient, c'est juste des job Jenkins qui fait le boulot. Et donc, finalement, ce qu'ils voient, c'est les quelques prérequis. Et finalement, la formation, elle se fait plus par diffusion un peu permanente ou pour essayer de savoir que par des grosses sessions one-shot. Et après, finalement, il y a des choses plus individualisées si les gens veulent aller plus loin, mais c'est peut-être aussi des choses plus... C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grosses organisations, c'est plus, bah, finalement, on met tout le monde dans une salle et puis on essaie de mettre tout le monde au même niveau. Là, c'est plus une approche un peu incrémentale et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à faire par des petites sessions. Après, effectivement, c'est vrai que bon, le niveau de la boîte aussi, bah, des BBL une fois de temps en temps, c'est des choses comme ça, donc c'est plus incrémental. C'est bon. Lunch, ouais, là, pour le coup, il y a une réelle inadaptation avec ce qu'offre le marché et ce qui est attendu par les entreprises, parce que notamment quand on demande, on en a fait l'expérience, hein, je vais revenir sur le point, mais on a fait une demande de pas forcément avoir une formation, académique, mais d'avoir le formateur qui était parmi nous pendant une journée ou deux, avec lequel il allait voir ce qu'on allait faire, on allait lui poser des questions, il allait utiliser ses ressources documentaires pour nous illustrer, pour nous montrer, par exemple, pour un produit sur lequel il est mandaté, que je ne citerai pas, qui, voilà, il voilà, des choses, des... Bon, je vais pas citer. Voilà, et on avait une demande très précise d'accompagnement, un peu de type formatrice, où il allait pouvoir nous illustrer, nous montrer des documents, nous montrer ses ressources, nous montrer comment ça marchait, nous montrer des exemples qu'il avait pu déployer à gauche, à droite, ou qu'il avait donné à d'autres clients. Et c'est quelque chose qui était impossible, parce que ils ont leur diapo, ils ont leur rythme, ils ont leur formation, et quand on demande quelque chose qui sort un peu du cadre, qui sort voire même complètement du cadre, et qui est plus dans l'accompagnement, et la passation de connaissances, on va dire, incrémentale, comme tu disais, bah, il n'y a plus personne devant. Ça sort du lot, le quoi. Le problème, c'est que ça s'appelle pas de la formation, ça s'appelle du conseil. Ça s'appelle du conseil. Et que le conseil, là-dessus, moi, je suis indépendant, et donc j'ai sorti un article justement là-dessus. Je l'explique clairement, il y a plusieurs niveaux. Il y a la formation plénière. Et toi, là, ce que tu demandes, c'est du conseil. C'est du conseil. Mais alors. Et le problème, c'est que c'est pas les mêmes budgets. C'est que le budget formation, c'est pas le même budget que le budget conseil. Et personne ne peut payer. Mais personne au bout d'un moment, conseiller. C'est mon deuxième point. C'est que la formation, entre guillemets, plénière, académique, ça marche bien pour des débutants, voire des personnes avec des connaissances intermédiaires. Mais nous qui avons, ça fait 8-10 ans qu'on baigne dans le métier, ou peut-être plus pour certains qui rigolent. Mais voilà, ça fait 8-10 ans. Même quand on va dans des conférences, des fois, on s'emmerde. Enfin, on n'apprend rien. On y va pour boire, de toute façon. Enfin, on y va pour boire. Non, on y va pour rencontrer des gens, on y va pour discuter. On apprend aussi. Voilà, on apprend des choses. Mais c'est vrai que le retour principal lorsqu'on fait des vraies entre guillemets formations soit certifiantes, même si ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais j'essaye même plus, soit des formations, on va dire commerciales, je vais appeler ça comme ça, bah c'est que au bout d'une demi-journée on s'emmerde et on regarde le Slack et on n'apprend plus rien, on est décroché. Enfin, il y a une inadaptation avec des profils entre guillemets avancés, en tout cas qui ont déjà un certain niveau de connaissance, et avec ce genre de montage, de formation. Je dois avouer que c'est la plupart des formations qui fonctionnent bien, en tout cas dans mon expérience, où j'ai pu prendre avec moi 10 personnes et je leur ai dit, bon bah, on va revoir les bases de Git, ça marche très bien. Mais c'est pour une formation, on va dire, un peu débutant. Ils connaissent pas bien Git et je vais leur apprendre les bases, comment on fait un merge, comment on fait un rebase, c'est quoi les différences, pourquoi, et ainsi de suite. Mais c'est effectivement un peu une introduction à Git pour aller plus loin sur des concepts avancés. Le format formation un peu cours magistral, ben, il marche moins bien, voire il marche pas en fait. J'ai jamais vu une formation type expert avancé où juste ça se passe bien et je suis vraiment content d'y aller en fait. J'ai pas ce genre de formation à ma disposition. En effet, Guillaume soulevait le problème économique parce qu'il y a des budgets formation, il y a des crédits formation, et pour débloquer ces crédits et pouvoir les utiliser, il faut avoir des formations un petit peu... je sais pas, qui font partie d'un catalogue, qui sont enregistrés, ou je suis en train de réfléchir, enregistrés, catalogue, ou qui sont certifiantes, c'est-à-dire à la fin on a un bout de papier qui nous dit qu'on peut présenter à sa comptabilité en disant il y a eu une formation. Et c'est vrai que des formations, je vais dire exotiques, mais bon, qui pourraient peut-être s'apparenter en effet à du conseil, ou en tout cas quelque chose de plus de plus interactif. Eh ben, ça rentre pas forcément dans ce cadre-là, et c'est très difficile à faire passer. Ça rentre pas parce que la définition du done, enfin, la définition du réalisé n'est pas possible, en fait, n'existe pas. Et c'est la définition même du conseil. La définition du conseil, c'est que tu prends quelqu'un pour ses capacités de manière quasiment dans la croyance de il va t'aider sans savoir à l'avance. C'est vraiment ça la chose. Mais en même temps, moi là, je suis devenu indépendant pour justement pouvoir amener ça. C'est que je vais voir des entreprises qui n'ont pas ces capacités-là et ces capacités-là, non pas plutôt les compétences, c'est pas du tout les capacités, c'est les compétences, l'envie, l'expérience. Le temps. Et le temps, exactement. Voilà. Les indépendants sont justement là pour faire ce genre de choses-là. Après voilà, t'es un peu genre le seul CDI autour de nous. J'arrive encore. Et la minorité. Voilà, tu es la minorité. Mais on est tous passés par là, donc à mon avis, on sait très bien ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais justement, c'est vraiment un point important là-dessus, c'est qu'il faut repenser la chose maintenant. Le problème aussi qui va se passer quand il y a quelqu'un qui vient dans ton infrastructure, quelqu'un d'extérieur, c'est que cette personne-là, elle va avoir un avis, elle va avoir une opinion. Et globalement, des fois, elle va pas être d'accord avec ce que tu dis. Oui, mais donc, le formateur, t'es d'accord, t'es pas d'accord, quand tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. Si jamais derrière cette personne-là arrive chez toi et te dit « Bon, bah là, t'as fait du popo, là, t'as fait du caca, là, il va falloir tout changer, il va falloir repeindre toute la maison en mauve, vert, etc. » Non, il va dire « les bonnes pratiques, ce que m'enseigne, c'est voilà. ça. » Vous, donc, ce que vous faites, c'est ça. Mais nous, ce qu'on enseigne, c'est ça, parce que le logiciel ou ça fonctionne comme ça. Donc, il va nous exposer son point de vue qu'il aurait très bien pu exposer de manière académique et plénière et en mode « Je m'adresse à vous en tant que maître et vous élève. » Ça pourrait être en fait le même contenu, mais présenté de manière différente et surtout beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire qu'il va pas nous enseigner les 80% de choses dont on s'en fout, voire qu'on connaît déjà. Par contre, il va se concentrer et il va peut-être passer plus de temps sur les 20% de choses qui nous sont critiques, intéressantes, et sur lesquelles on a un besoin réel. Je suis entièrement d'accord. Le problème maintenant, c'est est-ce que les équipes sont prêtes à assumer ça ? Bon, le principal problème, c'est de montrer, enfin, ce que j'ai vu en direct, c'est... quand je faisais des formations autour de la messagerie, c'était mais quand il faut montrer quelque chose au formateur pour lui illustrer notre problématique, il faut lui montrer la prod, quoi. Et de quel droit, quelle est cette personne-là, quel est son rôle, enfin, il n'a pas le droit de voir la prod. Même moi, en tant que formateur, si jamais on fait ça, je pense qu'on sort du cadre de la formation et je dis d'arrêter parce que ça paye en tant que conseil. C'est pas du tout les mêmes, les mêmes TJM, les mêmes, etc. Ouais, mais... Au bout d'un moment, on est entre bonnes gens, on est professionnels, on se montre des trucs, enfin... Oui, faut être clair sur les attentes de chacun. Après, enfin, se prendre des formations, c'est clair, ça va pas être rentable. Enfin, de faire du sur-mesure, c'est beaucoup trop d'efforts par rapport à le rentabiliser. Donc, effectivement, ils vont plutôt viser des trucs plus simples, mais qui peuvent dupliquer à l'infini. Et après, le souci que tu peux avoir aussi, c'est que dans le cas d'une formation, finalement, toi, tu viens avec un outil, les bonnes pratiques, etc. Mais là où toi, t'attends le plus de gens, finalement, c'est sur du spécifique qui est complètement spécifique à ton contexte. Et ça, le problème, c'est que ton formateur, en arrivant juste 2 jours ou 3 jours ou peu importe, pour l'appréhender, ça devient compliqué. Donc, faut arriver à faire converger les deux mondes. Alors, finalement, tu peux avoir le mode, effectivement, de dire, plutôt que de dire, le savoir académique, c'est ça, et puis, j'en fais ce que je veux quand je reviens. Tu peux espérer avoir un mode où, finalement, dans la mesure où tout le monde est dans la même salle, le formateur va t'amener les bonnes pratiques et aussi de faire un converger pour un truc qui est acceptable des deux côtés. Mais c'est vrai que tu sors du monde formation pure, quoi. Un bon formateur, c'est un formateur qui, justement, ne suit pas de plan. C'est un formateur qui connaît toutes ses thématiques, tous ses chapitres, si vous voulez, toutes ses diapos sur le bout des doigts, et qui est capable de sortir la diapo 227 à un moment, et à la question d'après, parce qu'il y a une discussion qui est en cours, de sortir la diapo 45, parce qu'elle correspond à la thématique... C'est dans le cas d'une équipe, mais moi, par exemple, si jamais je fais ça, la dernière formation que j'ai faite, il y avait 3 personnes. C'est pas très gros, 3 personnes. Ouais. Et 3 personnes avaient 3 profils complètement différents. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais je parlais d'un sujet, je perdais les 2 autres tiers, et si jamais j'allais dans un autre sujet, etc. Et donc en fait, là, t'es dans un cas où en fait, tu utilises la formation comme normalement, une formation, c'est vraiment genre des gens hétérogènes venant même de boîtes des fois différentes qui se réunissent pour écouter la bonne parole de quelqu'un qui leur dit quelque chose qu'ils savaient pas. D'accord. Toi, t'es dans le cas en fait où t'as toujours fait des formations d'une seule équipe, enfin d'un formateur pour une seule équipe. Tu vois bien que ton truc, il est différent. L'attente que toi tu vas avoir d'une formation, elle sera différente en fonction des personnes qui sont autour de la table. Et donc, dans une formation tradie, on va dire vraiment le pur tradie, t'as des gens différents autour de la table. Peut-être vous faites un peu différent, c'est-à-dire vous achetez en masse et vous dites, voilà, j'envoie toute mon équipe faire la formation. Oui, des fois, c'était moi qui étais le formateur et je formais, en effet, une équipe de la mairie de machin. Mais ce contexte-là, il existe, mais il n'est pas toujours le cas. Mais là, en fait, justement, quand tu formes une équipe machin, Ça devient compliqué. T'es borderline vraiment entre... Parce que vraiment, j'ai été confronté, t'es borderline entre le conseil et la formation. Ouais. Mais c'est border. So what? Bah, so what, c'est pas exactement le même TGM, c'est pas exactement la même compétence, c'est pas exactement le même truc comme ça. Enfin, c'est un peu ça. Et puis, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait de toi dans la formation? C'est un peu ça la question. Et donc, enfin là, pour en revenir, donc là, on arrive dans un cas ultra précis des gens qui sont déjà ultra capés. Et là, tu donnes bien l'inadaptation des formations comme ça. Enfin, toi, ce que tu veux, c'est du conseil. Tu veux quelqu'un qui ait plus de compétences que toi, qui vienne pour te former. En fait, ce que tu veux, c'est une formation par les pairs. Tu veux un pair un peu plus capé que toi, ouais, qui vienne te donner du savoir. C'est censé être le cas. Enfin, quand il y a un enseignant, si on prend les termes génériques, s'il y a un enseignant, c'est qu'il a le savoir. Enfin, s'il transmet le savoir, c'est qu'il a le savoir. On s'attend pas à avoir. Mais tu vois la différence même dans les professeurs entre un cours à l'école et un cours individualisé. Ouais, et un cours, bah, en fait, c'est la même chose. C'est est-ce que t'es dans une classe de 30 personnes ou est-ce que t'as ton prof que tu payes très cher à la fin de la journée pour qu'il vienne t'apprendre à ton mioche exactement les choses. On est exactement dans cette différence. Donc, peut-être qu'en fait le problème c'est l'inadaptation à partir d'un certain niveau, parce qu'on est bien d'accord. Enfin, moi, je vais pas du tout, j'ai rien à redire sur le fait que des formations, comment dire, spécifiques, pointues sur des domaines techniques particuliers sont très adaptées pour des profils débutants. Mais le principal problème que nous on rencontre et qui existe pour, je pense, beaucoup de DevOps, qui sont en général les gens un petit peu plus expérimentés, c'est que c'est qu'on s'y retrouve pas, quoi. Bah, donc, comme les conférences. Aujourd'hui, finalement, tu retrouves pas mal de conférences qui te servent juste à t'amener une veille ou à te confirmer que t'as bien, que t'as pas raté de gros trucs. C'est des tendances, quoi. Et que t'es à jour sur l'état de l'art en la matière. Alors que, éventuellement, tu pouvais aller aux mêmes conférences quelques années plus tôt, tu ressortais, t'avais l'impression de rappeler plein de choses, sauf que, toi, t'as mûri entre temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pareil dans les conférences, aujourd'hui, tu vois, les gens qui donnent les conférences, c'est des gens qui ont ton âge finalement, qui ont à peu près la même expérience. Donc finalement, t'apporter plus, ça devient compliqué. On est vraiment, t'arrives sur des niches, quoi, sur des profils très particuliers. Et donc finalement, aujourd'hui, même les conférences, moi, je vois, c'est plus finalement pour des gens qui ont entre 0 et 10 ans d'expérience, peut-être, ou peut-être moins. Où c'est bien, ça te donne des sujets. Ça complète, etc. T'apprends plein de choses. Au bout d'un moment, plus tu vas monter en expérience, moins tu vas apprendre de choses. Après, ça va juste te confirmer finalement que t'es à jour sur ta veille, et ainsi de suite. Alors, je pense que sur des sujets que tu connais pas, tu vas apprendre des choses, mais bon. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je le vois sur plein de conférences, on est quelques-uns à se poser des questions sur oui, j'ai envie de continuer à des conférences. Maintenant, je veux avoir quelque chose en face, quoi. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Oui, même pour les gens qui organisent des conférences, trouver des profils et trouver des thématiques et trouver tout simplement des gens qui sont capables d'amener ce genre de contenu, oui. c'est galère. Enfin, je pense qu'ils galèrent déjà à trouver des gens capables d'amener du contenu intéressant. Faut accepter, je pense que je sais pas si tu vas à Devox ou je sais pas où, que ça te confirme juste état de veille général. C'est déjà pas mal finalement. C'est le consensus actuel. Il faut pas avoir une attente excessive finalement. Ouais. D'aller voir d'autres conférences dans d'autres secteurs. Vous d'aller voir là. Moi, si jamais demain je vais au .css, au .js, je comprendrai pas la moitié de ce qui est dit. Et j'apprendrai l'autre moitié. Enfin, c'est aussi ça. Oui, non, mais voilà, ça sauf il en mode opportuniste en disant je découvre de nouveaux sujets, même qui n'ont rien à voir avec mon sujet habituel. Et après, sur des sujets plus pointus, soit tu vises peut-être des conférences très orientées produits, parce que c'est genre la DockerCon, KubeCon, etc. Tu vas te dire, tiens, mais il y aura des tracks un peu avancés, et là j'espère en avoir des choses, ou alors, tant pis, ça reste généraliste, et sans aucun terme péjoratif dans l'histoire, mais ça te donne juste une tendance où on était à. Voilà. Et après, c'est l'autre question aussi que j'avais, c'est vraiment sur la transmission générale des bonnes pratiques, et c'était un exemple que tu avais au ministère, mais qui était est-ce que in fine tout le monde doit rester un peu dans son carcan, on va dire, et d'être très spécialisé là-dedans, et que ça se passe très bien ainsi, et que les gens, bon an mal an, arrivent à travailler ensemble avec des outils différents, assez hétérogènes, et puis voilà. Ou est-ce qu'il faut avoir cette transmission du savoir via les BBL, etc. Et justement, quels sont les... Et là, c'est plus, parce que je crois bien sûr dans la deuxième solution, qui est plutôt la transmission. Et dans ces cas-là, quels sont les outils à mettre en place? Donc, on a parlé des BBL. Donc, si déjà quelqu'un veut... Romain, je sais que tu en as fait un il n'y a pas très longtemps. Oui, j'en ai fait un mercredi. Parce qu'on est indépendant, j'étais indépendant, je rappelle. Mais c'était hier, en fait, mercredi. Voilà. Ah ouais, c'était hier. J'ai du mal avec les jours, c'est fou. Il y a un jour et demi, puisqu'on est le soir. Oui, voilà. Puis en plus, il y a eu le cinéma et tout. Du coup, pour moi, c'est deux soirées, en fait. Donc j'ai fait un BBL qui était plus sur la thématique DevOps au sens très large. Donc c'est un petit peu, genre, c'est quoi mon métier? Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est BBL pour ceux qui ne connaissent pas? Décris ce que tu as dû faire. Le concept du BBL, c'est Brew and Back Lunch. C'est genre, on apporte à manger, on mange ensemble, et c'est un peu comme un meet-up, un talk, sauf qu'on mange en même temps. Donc, ce qui est un peu désagréable pour le speaker, c'est que on mange pas beaucoup. Désolé. Par contre, en final, l'avantage de ce format, c'est que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de discussions. En fait, on est beaucoup plus encouragé. Déjà, on était moins nombreux. On était une vingtaine, on va dire, entre 15 et 20, je vais pas compter. Et très rapidement, ça s'est orienté pas sur moi qui parle et des gens qui écoutent, mais plus des discussions entre les personnes qui étaient présentes. Et je pense que c'est vraiment tout l'intérêt du format BBL par rapport à un format meet-up classique où on parle devant différentes personnes. Et donc là, typiquement, j'avais un sujet très large, donc comment on fait la transition DevOps, comment on aborde le sujet de la transition vers la culture DevOps. Et j'étais bien content que ce soit sur le format BBL, puisqu'il y a beaucoup trop d'aspects à cette question à traiter pour que je puisse le traiter de manière séquentielle. J'en oublie forcément une partie, j'oublie forcément des approches. Et donc là, par la discussion, via les questions que les différents participants ont pu me poser, j'ai pu aborder les aspects qui intéressaient mon audience. Donc en fait, c'est vraiment le talk façon, j'adapte complètement mon discours à l'audience qui est autour de moi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la formation qui s'adapte dans l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe a des questions très spécialisées sur leur cas d'usage, et même si moi je fais pas partie des entreprises desquelles font partie les participants qui m'ont posé des questions, mais j'avais quand même des conseils de manière un peu générique, genre des guidelines, des bonnes pratiques un peu génériques qui pouvaient les orienter. Et j'ai trouvé le format très intéressant d'un point de vue formation. Donc là, c'était mon premier BBL, donc j'étais un petit peu plus dans l'impro, je veux dire, je vais pas le cacher, j'étais un petit peu en mode découverte. Mais c'est vrai que là, sur le sujet formation, je pense que c'est un très bon format, le BBL, pour partager ses connaissances et justement avoir des questions en direct, pouvoir adapter son discours. Je trouve que c'est vraiment un bon format. Enfin, après, en termes de volume, on est quand même sur quelque chose de très très court, parce que si tu passes de 20 à 1 heure de Brownman Lunch, ça n'a rien à voir avec 2 ou 3 jours de formation en termes de... Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Mais ça arrive peut-être plus souvent. Ce qu'on avait fait dans une précédente entreprise, avec Bart et d'autres, on avait justement essayé d'étendre un peu le système du BBL en se disant justement, en fait, je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu as fait et ce que tu as dit, mais on l'institutionnalisait en fait. C'est-à-dire qu'on avait décidé de faire ce qu'on appelait donc les FTL, les Fast Tech Lunch, qui étaient en fait de se dire ce qu'on veut, c'est que ce soit le midi, que ce soit rapide, et que justement il y ait cet apprentissage rapide, et multifactoriel. Et en fait, ce qu'on s'était défini, c'était de se dire 30 minutes au début sur une présentation sur un sujet qui permet de donner une thématique, mais c'est qu'une thématique tout à fait où on peut aller à côté. C'était une conférence, c'était une technologie, c'était n'importe quoi comme ça. Ça reste très très court, donc vraiment 20-30 minutes, sachant qu'on compte le temps de s'installer, le temps de faire brancher le vidéo proche, etc. etc. Donc très vite, ça réduit énormément. Et le but après, c'est d'aller tout de suite sur une session d'Open Space. Donc les open space, c'est une division dans le temps et dans l'espace des réunions, et les gens viennent proposer les sujets, votent pour lequel ils veulent parler et les traitent. Et dans des open space très très courts, je crois qu'on était à 5 minutes, 5-10 minutes grand max par temps. Ce qui fait que ça permettait comme ça donc de traiter très vite beaucoup de sujets. Tout le monde ne pouvait pas bien sûr aller à tous les sujets en même temps, mais ça permettait de parler très vite de certains sujets et que même certains puissent revenir en fait. On en a parlé la semaine dernière, là on est revenu, c'est pas les mêmes personnes autour de la table, et en fait ça fait vivre un peu le sujet, le débat. Et en fait là, dans ces cas-là, c'est que les gens viennent très souvent avec des cas concrets. Ils viennent avec je sais qu'on a parlé de tel sujet, la formation par exemple, mais moi j'ai un problème avec Cassandra en prod, hop, je pose ça, quoi qu'on fait. Et ça permet comme ça, que les gens puissent amener les sujets quotidiens de manière très facile. Voilà, c'est 10 minutes. Une espèce de machine à café institutionnalisée et organisée. Quoi. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on avait mis en place, qui me paraît être très intéressant à faire. On peut appeler, voilà, FTL, parce que, voilà, vous verrez la référence pour ceux qui connaissent. Hein. Vidéoludique. Tu crées. Vidéoludique. Hein. D'abord, c'est Battlestar Galactica. Ta, hein. Vidéoludique. Le jeu FTL est génialissime. Oui, mais avant, il y avait Battlestar Galactica. Et je reviens dessus plus tard. Après, t'as aussi l'avantage que tu crées du lien. Moi, je suis chez JCDeco, j'étais avant, j'avais monté ça, c'est effectivement faire des meet-up internes au niveau de la DSI Group. Et c'était une occasion. Alors, c'était entre une fois par mois et une fois par trimestre, suivant les sujets qu'on arrivait à traiter, puis les gens qu'on arrivait à regrouper. Mais donc, on avait effectivement l'idée, c'est d'avoir, ça sur une heure et demie ou deux heures, je me souviens plus, c'était d'avoir une première conf, d'avoir le temps de manger, puis d'avoir une deuxième conf après. Et l'idée, au-delà du partage du savoir, t'as aussi toute la dimension, je crée du lien entre les gens qui bossent pas forcément tous les jours ensemble. Et c'est vrai que ça, pour ça, c'est aussi un effet qui se coule assez sympa. Parce que du coup, finalement, des gens qui, finalement, on tombe tous un peu sur les mêmes problématiques dans nos projets. Et donc là, on est arrivé, finalement, on a eu quelques petits quick wins parce que, Bidule a déjà utilisé la techno, machin, ça permet de le réimplémenter ailleurs facilement et ainsi de suite. Juste par curiosité, c'était des équipes de combien pour en arriver au stade où les gens ne se connaissent pas, ne travaillent pas forcément ensemble. T'avais pas mal, t'es peut-être on va dire une dizaine d'équipes. Entre 80 la DSI, et 100 personnes. Ouais, juste les internes, c'est une centaine de personnes. Avec les prestats, t'en as plus. Et donc, l'idée, finalement, des gens qui n'étaient pas forcément dans les mêmes locaux en plus. Mmh. Donc, l'idée, finalement, ça te permettait de regrouper des gens qui sont sur des sujets très différents, quoi. Soit du SAP, du vélo en libre service, du machin, du bidule. Et finalement, on a réussi à trouver quelques sujets un peu transverses. Ce qui est pas mal, parce que puis c'est gagnant même pour l'entreprise, quoi. On a fait le tour. De toute façon, on y reviendra. Hein. La transmission du savoir c'est un sujet sans fin. La culture, le sharing, c'est vraiment, ça fait partie. Grand pilier, quoi. On en parle tout le temps. Donc là, on vous a donné quelques solutions à mettre chez vous, si jamais vous voulez. N'hésitez pas à revenir, même si vous en avez d'autres qui ont bien marché. Parce que c'est quelque chose, qu'on a. Voilà, on connaît les BBL, on connaît les meet-up, on connaît les Beer and Tech qu'on a déjà eu. Donc, c'est des meet-up de 17h à 18h avec de la bière en entreprise. Il y a plein de formats qui existent. Voyez ceux qui sont peut-être les plus adaptés à vos contextes. Et si vous avez une solution magique qui permet aux gens expérimentés d'apprendre avec plaisir et de passer des journées à partager avec quelqu'un d'expérimenté... Prenez un indep. Non, mais partagez-la. Quoi. Enfin, si vous avez vraiment une solution magique... C'est bon, t'as trouvé la solution. Voilà, c'est bon. Ouais, solution magique. Regarde, c'est magique. Je vais faire mon adresse. Les gens, ils veulent tous se vendre. Voilà pour le premier sujet sur la formation. Et on va passer à un sujet sur le test et l'infrastructure as code. Et en fait, donc, c'était un message sur le spectrum de Nicolas, un peu en mode... sur les tests dans l'infrastructure as code. Donc, je vais te laisser, Nicolas, remettre le contexte, ouais. Et puis comme ça on pourra en débattre un peu après. Ouais. Donc mon sujet du moment, c'est effectivement, enfin un des sujets du moment, c'est pilotage d'infrastructure avec Ansible, qui est très bien par plein de côtés, mais qui, mais pour moi le souci, c'est, enfin le point un peu embêtant, c'est de se dire effectivement aujourd'hui il n'y a pas de solution, enfin il n'y a pas vraiment de solution en dehors de tu fais ton playbook, tu le runs, tu espères que ça casse pas trop et tu fixes et tu le rerun jusqu'à ce que ça fonctionne. Ce qui est pas forcément super satisfaisant, surtout quand t'as pas forcément des environnements de non-prod à ta disposition pour exécuter tes playbooks. Donc du coup, finalement, je commençais un peu à chercher, à voir, comment est-ce qu'on peut tester, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu du développement, on a toute la partie CI qui fait un peu ce boulot-là, de se dire, je push du code, ça valide des tests, et c'est génial, et ça marche bien. L'état de l'art dans notre joli domaine est quand même pas ouf. Souvent ça, il y a pas forcément beaucoup d'outils. Quand il y en a, c'est souvent faut respawner des infrastructures de bout en bout, donc il peut y avoir quand même un petit coup d'infra non négligeable, et plus éventuellement des playbooks qui le permettent pas forcément, surtout quand si on gère une couche réseau ou si on gère des pleins d'IP dans tous les sens, ça a pas bien marché. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu la misère. Donc j'ai fait effectivement un tweet il y a pas longtemps sur les gens qui font du Ansible, comment ils font? Et j'ai les gens de Red Hat qui m'ont attrapé par qui m'ont rattrapé, qui m'ont rien vendu, ça c'était plutôt cool, et en plus qui m'ont proposé dans l'outil qui est Molécule, qui est pas un outil fait par Redhat mais par MetaCloud ou un truc un nom dans ce genre là, qui veut justement tester les playbooks Ansible de bout en bout. Donc faut quand même provisionner des choses, soit via Docker, Vagrant, VirtualBox, c'est ce que vous voulez, ou des providers cloud si vous voulez, mais qui inclut déjà une notion de des linters, ça vérifie l'idempotence, vérifie déjà pas mal de choses. Donc pour l'instant, c'est un peu le truc où qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux là ces derniers jours. J'ai testé cet après-midi, c'est pas encore tout à fait ça. Pour redécrire en plus la target, une fois que tu l'as décrit une première fois dans... L'idée, c'est que sinon ça spawn une VM, ça joue ton playbook de bout en bout et ça vérifie que tout va bien. Et donc là, effectivement, la limite de l'usage, c'est... Enfin, pour l'instant, en tout cas, je découvre Molécule, j'ai joué un peu cet après-midi avec... c'est effectivement déjà les accès aux variables de groupe ou de host n'existent pas forcément toujours. Donc il y a des bouts de contexte Ansible qui sont pas forcément communiqués quand tu exécutes tes tests, donc c'est un peu moche. Et ça fait que du coup tu peux arriver à tester des choses simples. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que Molécule en fait il fait l'intégration entre Ansible, entre Test Infra, donc qui est un framework de test en Python qui permet de tester pas mal de choses. Je crois qu'il y a une intégration de InSpec, bon ça c'est du Ruby, le format de chef quoi. Et un autre framework qui est utilisé, mais l'idée sinon c'est de tester, ça va valider que d'un point de vue déjà syntaxe YAML t'es tout bon. Ça va valider ton idempotence, ça va créer une VM, exécuter ton playbook, détruire la VM à la fin et faire différents tests. Enfin, tu peux faire pas mal de choses. Donc, il y a des côtés qui sont un peu prometteurs, mais on sent que c'est encore très jeune, que c'est pour l'instant justement des assemblages de différents outils et que bah du coup, il y a des choses qui manquent ou en tout cas qu'il faut retravailler pour justement pouvoir vraiment tester un playbook de bout en bout, et c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin, dans ce que je connais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas forcément énormément d'outils qui le permettent. Même si on prend Terraform, aujourd'hui, quand on fait Terraform plan, il va montrer un diff entre un état de départ et un état final, mais pour autant, est-ce qu'on peut vraiment le faire du diff dessus et bien voir, c'est pas forcément simple. Donc on sent que c'est un peu un sujet qui est encore très jeune. Et qui aujourd'hui finalement, pareil, puis dire bah tiens je fais un playbook un peu en mode virtuel et je teste si mes variables sont bonnes et ainsi de suite, il y a des choses qu'on pourrait tester mais qui du coup s'exécutent pas, enfin des choses qui marchent pas bien, même le check run de d'Ansible il y a des fois il marche pas très bien non plus, donc c'est vrai que c'est, il y a vite des écueils et voilà. Donc alors sans vouloir troller après je laisserai Bart à mon avis nous exposer un peu plus, mais Ansible n'a pas du tout été fait pour ça. Et ah oui, en fait, là, c'est un outil, enfin, ça a été fait par des outils d'Ops, c'est des Ops qui l'ont fait en se disant, moi, je fais confiance que en SSH, et puis, je vais mettre un truc, et moi, le code, j'aime pas ça, je fais que du Python, et je fais du Python 2, parce que je fais que du Python 2, parce que, de toute façon, il y a que Python 2. Et clairement, il a pas du tout été conçu dans ce cadre-là. Je connaissais, j'ai fait beaucoup de chefs avant, et Bart aussi. Et, chef, pour le coup, a été fait par des développeurs. C'est des devs qui l'ont fait. Et donc, tout l'outil est de base parti que sur le test. C'est-à-dire que si c'est pas testé, c'est pas prouvé. Et donc, c'est quelque chose où, dès le début, il y a une différence fondamentale dans la philosophie des deux outils. Donc, en fait, qu'il n'y ait pas de test dans Ansible, j'ai l'impression de dire, c'est une feature. Ça n'a pas été fait dans les mêmes logiques de début. Et je pense, là-dessus, Bart, tu peux nous dire un peu, vous, l'état de l'art que vous avez du test chez vous, qui sont ce qu'ils sont, mais il y en a quand même pas mal, quoi. Et il y a deux logiques de test là-dessus. Enfin, je pense que c'est toi qui, à l'heure actuelle, l'expérience en termes de test la plus poussée à ce niveau-là. Alors, je suis en train de réfléchir à comment je vais articuler ma réponse. Et que je passe Je vais y revenir. Bon, ok, alors, je vais venir. En fait, il y a deux types... Non, en tout cas, dans Chef, il y a deux types de tests, qui sont deux types de tests complètement différents. Il y a les types de tests unitaires, ce qu'on va trouver, en fait, souvent dans les développements, où on va tester le comportement attendu de la ressource qu'on est en train de créer. Je veux modifier IPTables, je teste en mettant tel paramètre. Est-ce que IPTables, la fonction que je viens de créer, le playbook, enfin, la logique que je viens de faire, fait ce que j'attends. C'est déjà le niveau zéro du test qui est au moins ce que je code fait à peu près ce que j'attends que ça fasse. Et par rapport à des cas de test, ça fait ce que ça doit faire. Ça paraît très con quand on parle de l'infrastructure parce que on comprend pas trop ça, mais souvent en fait au bout d'un moment, les ressources de base qu'on a dans un outil type Ansible, Chef, Puppet sont pas suffisantes et il faut coder ses propres ressources liées à ce qu'on fait. En général, c'est à partir de là qu'on a perdu. C'est à partir du moment où on commence à faire du custom, et on a nécessairement besoin d'arriver à faire du custom au bout d'un moment, on va créer ses propres ressources. Oui, mais les propres ressources peuvent être aussi assez génériques. Tu utilises, tu vois, la ressource n'existe pas dans la communauté, tu la crées. Enfin, moi, tu connais mon truc là-dessus, je déteste le custom-custom. Hein. Ouais, enfin, là, ça va être du custom dynamique, du custom. Enfin, on peut arriver à du custom compliqué, on va avoir des trucs qui vont exécuter du code Ruby derrière, qui vont appeler des librairies qui, elles, ne seront jamais testées. Et donc, c'est du mauvais code de chef si c'est pas testé. C'est ça. Et donc, le problème, c'est que ces outils-là sont suffisamment permissifs pour. Ouvrir l'accès à des développeurs ou à des ops ou des devops, on s'en fout, mais ouvrir l'accès aux utilisateurs pour arriver très profond dans le code, c'est très flexible, c'est très facile, c'est ouvert. Et puis on exécute du shell, on tire l'arigot, on peut mettre du code Ruby à tire l'arigot dans le slash lib de chef, ou je suppose que dans Python aussi. On peut mettre de la lib Python bien dégueu qui tâche. Et une fois qu'on est arrivé là, on a perdu. Parce que on fait des fonctionnalités qui sont avancées, qui apportent de la valeur, qui sont pas testées, voire pas testables du tout. Oui, mais chef, justement, les ressources de base qu'il te donne et celles de la communauté ne sont pas dans ce cadre-là. Voilà, mais alors, est-ce que la réponse, c'est n'utiliser que la stdlib, en gros, de chef ou de Ansible, n'utilisez que les ressources officielles de base, et contentez-vous de ça. Si vous cherchez à faire autre chose et aller plus loin, c'est que vous utilisez mal l'outil. Alors ça peut être la réponse 1. Ou est-ce que la réponse 2, c'est engager des gros développeurs, des bons développeurs, et... Ou laisser les faire bien. Et voilà. Et quand, si vous faites quelque chose de custom, par pitié, testez-le, quoi. Pour vous. Mais ça, c'est un premier niveau de test. C'est-à-dire, on teste le code qu'on a généré et qu'on a créé. Après, quand il y a des choses plus compliquées qui sont des tests end-to-end, qui sont là, en fait, les tests que tu veux, en fait, c'est tester. Bah, même déjà, juste tester, enfin, le côté, ce qui est chiant dans Ansible, et ça, tout le monde l'a vécu, c'est j'exécute mon playbook, et le truc, il échoue au bout d'un quart d'heure, parce que la variable bidule est pas définie, quoi. Et juste déjà attraper ça partout. Très mal Ansible, mais ça fait que confirmer. Donc il y a déjà des petites choses comme ça qui sont un peu rageantes, quoi, en se disant il pourrait effectivement y avoir un premier niveau de test où il arrive à charger un peu tous ses templates en mémoire, ainsi de suite, et vérifier qu'il y a, ça pète pas. Chef, là pour le coup, chef, il a une phase de compilation où il te fait le truc et il te fait à l'avance, genre, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en fait, il te fait un diff Terraform, en fait, il te le fait, il te dit tout ce qu'il va faire, il y a un mode dry run où il va te dire exactement quelles sont les actions qu'il va faire, quelles sont les implications que ça a, etc. Encore une fois, le mode dry run, quand on fait quelque chose de custom, j'ai codé du cookbook communautaire, et déjà, ça se traînait et c'était compliqué de gérer le mode dry run, donc je pense qu'il y a plus de 90% des cookbooks communautaires qui ne gèrent pas le mode dry run, et en interne, dans les compagnies, ce n'est jamais fait. Enfin, oui, jamais. Ça, c'est le problème de la compagnie. Tu vois, nous, on a réussi à le faire dans nos autres compagnies. Avant, on était... Toutes ces bonnes pratiques-là, on sait... T'as un outil qui ne le fait pas. Enfin, tu vois, nous, on n'avait pas tout, mais au moins, on en avait une partie. Ouais, ouais. Il y a quand même une différence, tu vois, on peut... Une idée d'adaptation. Non, mais voilà, il y a... Ansible, ça a des avantages, il ne faut pas non plus... Oui, une prise en main qui est très rapide, ça a très peu de prérequis, effectivement, après, la question, c'est... Est-ce que la contrepartie, c'est de s'astreindre à n'utiliser que les ressources de base? Oui, mais même en faisant que ça, parce que là pour l'instant on a rien de fantasmagorique hallucinant, quoi. Et même en faisant ça, tu tombes quand même sur des écueils de variable undefined et blablabla, quoi. Et c'est quand même moche quand au bout de, toi, d'un playbook qui met un quart d'heure à s'exécuter, et puis bien tu repars après pour un quart d'heure à nouveau, quoi. Donc alors, tu peux toujours tricher, limiter pour que ce soit que ce bout de playbook qui s'exécute. Il y a des moyens, c'est l'outil permet ça, c'est pas un outil d'ops. Hein. Si jamais l'outil peut failer lamentablement au milieu du truc, genre pourquoi vous l'utilisez? Enfin, genre c'est simple, mais enfin genre. Je pense qu'après ça part un peu dans le troll, dans le genre. En fait, cet outil, il est quand même vraiment très bien. Il a plein de bonnes qualités. Je sais que nous, c'est ce qu'on utilise. Après, le fait qu'on l'utilise, c'est aussi parce que ça fait 2 ans ou 3 ans que le projet existe. Bon, je connais pas exactement tout l'historique du projet. Hein. Je suis pas là depuis le début. Tout réécrire, c'est juste pas possible. En fait, enfin, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de temps pour tout réécrire. Et donc, cet outil, je vais pas dire qu'on est piégé dedans, mais c'est l'outil qu'on a et qu'on doit accepter. Donc, avec ses qualités et avec ses défauts. Mais justement, c'est peut-être ça en fait que disait Bart tout à l'heure, d'en rester dans des ressources standard, c'est que personnellement, je pense que passer de Ansible à Puppet à Chef à Dockerfile, ça doit être seamless. C'est-à-dire que si jamais vous avez mis trop de logique dans un truc qu'il ne devait pas en avoir, c'est-à-dire loin de l'application, parce que c'est rare en plus que les ressources soient proches de l'application. Rare, j'ai pas dit que c'est pas le cas. Mais dès que tu as deux repos Git, un avec ton Ansible et un autre plus loin avec ton application, tu as perdu. Si jamais les deux sont liés ensemble avec une logique interne pour déployer l'application qui est dépendante de la version de l'application, etc., etc., t'as perdu. Enfin, moi, je pense qu'à chaque fois que j'ai essayé de créer des ressources d'installation, c'était fait pour faire le boulot que de l'installation. Et quelqu'un pouvait le recoder derrière en n'importe quoi, dans n'importe quel langage, ça se faisait. Et je pense que justement, on a mis trop de logique. En fait, on a un outil qui est trop performant. Enfin, en fait, où on peut faire facilement trop de choses. Et en fait, cette facilité, elle a un biais extrêmement fort qui est qu'on s'y piège assez vite. Elle est tentante, elle est alléchante, elle est... Et j'ai l'impression que souvent, en fait, on arrive dans ce cas-là, en fait. C'est que le logiciel en lui-même aurait dû être testé. Justement, moi, je suis pas vraiment d'accord, en fait. Alors, la solution qu'on a, nous, notre logique de déploiement est complètement décorrélée du cycle de développement des développeurs, en fait. Ils peuvent aller à leur rythme et déployer quand ils veulent, et ça sera absolument pas dépendant du code de déploiement que nous, on utilise. Alors, c'est quoi qui est compliqué? Quels sont les points que tu dis que tu n'arriveras pas à redévelopper? Ce qui est compliqué, c'est que nous, la forge, ce qui sert à déployer pour tous les projets, en fait, on a avec ce logiciel un catalogue de services, un catalogue de choses qui sont prêtes pour les différents projets. Puisqu'en gros, quand un projet vient nous voir et nous dit, bon, nous, on a deux back-ends et trois front-ends, je dis ça au pif, hein. Sauf que nous, derrière, on rajoute du SkyDNS, on rajoute un ETCD, on rajoute de l'ELK, on rajoute tout un tas de services qui sont. Enfin, c'est notre couche, enfin c'est notre surcouche qu'on propose. Et ça, on leur donne en mode. En fait, c'est notre capsule en fait qui va enrober le logiciel qu'on nous prête de tous ces services. Et donc, le déploiement est complètement indépendant du cycle de développement logiciel. Et moi, je pense que la logique est pas mauvaise en fait, mais c'est juste que réécrire tout notre catalogue avec quelque chose d'autre, ça va nous coûter des mois de développement. Et actuellement, on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, on a juste pas la. C'était un choix. Enfin, là, ça vient du choix de base qui est-ce que l'outil était adapté pour ça. Moi, en fait, j'ai rien contre Ansible en fait de base, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on l'a utilisé pour la mauvaise raison. C'est-à-dire qu'en fait, Ansible, il est pas fait pour déployer, il est pas fait pour s'exécuter sur la machine. C'est un très très bon orchestrateur. C'est un excellent orchestrateur même d'ailleurs. C'est-à-dire que utiliser Ansible pour aller après exécuter des ressources d'un autre logiciel qui est beaucoup plus adapté pour tourner en local me paraît être une meilleure idée. Et les deux en plus, enfin Ansible peut très bien exécuter. Tout le monde a des options à rajouter dans la ligne de commande. Et en fait, on a voulu un outil homogène. Et unique pour faire deux choses qui étaient complètement différentes, l'orchestration et l'installation, qui sont mais vraiment aux antipodes les uns des autres. Et il y a même le provisioning, là, c'est Xavier est pas là mais il aurait parlé. Il y a même trois boulots, l'orchestration, le provisioning et l'installation et le déploiement, qui sont trois choses complètement différentes. Et on pourrait très bien avoir. T'en as dit quatre. J'en ai dit quatre, j'ai dit quoi? J'ai dit cinq dans l'installation. Moi, le déploiement applicatif. Après, c'est déploiement applicatif. Le provisioning, en fait, c'est le provisioning, c'est créer l'écosystème pour que l'application tourne. Ça va être configurer des règles de base. Et on a le déploiement après concret de l'application qui peut être fait via un autre point. Et il y a l'orchestration que j'ai dit. Donc, trois, après, j'ai peut-être dit deux mots. Je t'embête. Les frontières qu'il faut redire. Ouais, voilà. C'est pour ça que là, je les ai un peu définis. Mais donc, c'est pour ça que là, je le vois un peu comme ça. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais donc là, on en revient au point que tu disais, qui est donc le test end-to-end de logiciels en infrastructure as code, qui est un point extrêmement compliqué. Enfin, dans le monde chef, on a... quel outil déjà? Inspec, qui est plus général, mais maintenant, on a... Kitchen, ouais, voilà, Kitchen, je sais plus quoi, dedans. Ça fait un peu trop longtemps que j'y ai pas touché. Test Kitchen, voilà. Enfin... Oui. Mais il appelle un. Non, il appelle Inspec, des serveurs spec. Non, ils ont recodé entièrement pour avoir touché. Non. Et donc en fait, ils ont des outils en interne où à l'intérieur même des cookbooks, on crée les ressources à tester pour que au moment quand la CI passe avec le bon outil, en fait, ça installe tout ce dont on a besoin et on teste ce qui se passe. Donc, et dans l'outil est intégrée la notion même de test. C'est dans l'outil, c'est built-in dans les. Fait pour ça. Ça a été fait pour ça. Il donne un chef DK qu'on installe sur tous les postes, normalement, qui est donc le chef development kit, où il y a tous les outils pour pouvoir lancer ces tests-là. Donc en fait, l'outil a été complètement basé autour des tests, que ce soit des tests. Ah oui, on a aussi des tests syntaxiques, parce que. Bah, on écrit du code, en fait. Donc, la syntaxe du code qu'on écrit, bah, on a bien envie d'avoir une syntaxe... Il parlait du linting aussi, qui peut poser problème. Oui, c'est ça. Mais, oui, c'est mais là, tu l'as dans, par exemple, ouais. Molécule le fournit. C'est quand même le... C'est vrai que par défaut, tu l'as pas, quoi. Voilà, ouais. Alors que donc chef... Bah, t'en as un petit peu, ça dépend. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est vraiment l'outil et built-in dans l'équipe chef, en tout cas, il le propose. Mais je pense pas qu'il y ait une bataille d'école entre chef et Ansible, parce qu'au final, ils ont tous... des qualités, tous des défauts. Enfin, on peut faire des trucs affreux avec Chef, on peut faire des trucs affreux avec Ansible, et on peut rester simple dans les deux. C'est ce que je disais, mais en fait, quand la problématique de test apparaît, eh ben, c'est là où on s'aperçoit que l'outil qu'on a choisi était peut-être pas forcément le plus adapté. Et en fait, c'est ce que je dis juste, c'est que, et en plus, je vais arriver à mon dernier point, c'est que, en fait, je ne crois absolument plus dans ces outils-là pour faire ce dont on a envie. C'est qu'en fait, même là, quand on arrive au test end-to-end, même avec du server spec, etc., etc., on arrive à un problème que t'as un peu évoqué, qui est, la mutabilité, c'est-à-dire que ok, on teste une machine from scratch, on teste si ça marche, et une machine qui existe déjà, notre run qui tournait très bien sur une machine vierge, et bah merde, il marche plus sur la machine normale. Et puis il a laissé plein de popos. En fait, on s'est aperçu que on pensait avoir créé un nouveau fichier et en fait, il en a laissé d'autres parce qu'on a changé quelque chose. Et c'est même pas forcément dû à des actions manuelles. C'est peut-être parce qu'au moment où on a poussé en prod une version qui était un peu buggée de je sais pas d'une update d'un repo sur une CentOS. Et ce truc-là, il a été déployé sur 50 machines avant qu'on rollback. On n'a pas tout corrigé, et il se trouve que ça a laissé un reliquat de fichiers dans les sources RPM, et ça nique tout après, parce que ça freeze des versions, par exemple, et donc on n'a plus les mêmes versions. Enfin, on peut arriver à des trucs complètement ubuesques, enfin, qui n'ont plus aucun sens. Et c'est vrai que tu penses pas à dire, bah tiens, je fais d'abord, merde, j'ai rajouté le mauvais fichier, je fais tourner un playbook avec, je supprime le fichier, je mets le nouveau. C'est même pas ça, parce que ça, c'est des cas simples, mais il y a des. Oui, mais juste même ça, tu fais juste en général, bah tiens, mon fichier, bah je mets juste la nouvelle valeur, et puis bah, ça en crée un nouveau, quoi. Ouais, et dans des cas, par exemple, tous les fichiers, dans tous les dossiers en point dit, où le logiciel parse tous les fichiers qui sont dans le dossier pour créer sa configuration, avoir plusieurs fichiers qui n'ont pas le même nom mais qui ont les mêmes valeurs dedans ou un peu différentes, etc. J'ai déjà eu des problèmes comme ça. Et donc, c'est pour ça que, en fait, la discussion qu'on a eue, elle m'a fait penser, mais. L'immutable, quoi. J'ai l'impression que ça fait des années et des années que ça existe, mais que personne ne le connaît. Même immutable ou pas. Là, on parle de cas simples. Enfin, cas simples, même si on peut arriver à des edge cases, tous les edge cases du monde, on arrive à des cas simples qui sont je veux déployer mon application. Alors, certes, elle a besoin de logging, elle a besoin de n'importe quoi, de discovery. Enfin, elle a besoin de tout un écosystème autour d'elle, mais ça reste que l'application. Mais le jour où tu veux approvisionner ton hardware, enfin, nous, on a le cas chez nous, tester. Le end-to-end de installer une machine, quand tu dois gérer, je sais pas, la version du firmware, la version, le RAID, la configuration de la carte RAID, les configurations du network et tout, enfin, du network dans le sens, est-ce que c'est bien routé, est-ce qu'on a bien fait le bonding des deux liens côté network, enfin, côté interface network sur le routeur? Bah ouais, comment on fait? Nos équipes d'infra, on a beau râler sur elles, enfin, respect, parce que c'est super compliqué. Enfin, ils sont face à un mur, c'est galère. Aujourd'hui, les outils, non seulement ils sont pas forcément très bien adaptés pour le software, mais quand on parle hardware, il y a plus rien, quoi. C'est le désert absolu. Tu peux pas le tester réellement, quoi. Voilà. C'est un peu ça passe sous sa casse, quoi. Il faut éventuellement un pool de machines que tu vas réinstaller tout le temps et qu'avec les différents machins, mais ça t'enlève pas les edge cases que tu peux avoir de la même manière que arrête d'acheter du matos que tu peux pas tester. Comme s'il y avait plein d'alternatives à l'heure actuelle. Tu fais quoi? Il y a 10 ans, l'open hardware, etc. Les gars, ils ont fait plein de firmware. Enfin, Google a fait plein de talks récemment là-dessus. Ou même d'autres, des boîtes plus petites que ça. Ça a été qui font tout leur firmware en Go. Enfin, voilà, maintenant, il y a des outils. On aurait dit ça il y a 10 ans, je suis d'accord. Mais bordel, pas en 2018. Il n'y a pas beaucoup, à notre connaissance, sur la place parisienne d'entreprises. Avez la taille pour. En fait, quand tu commences à avoir des problèmes de RAID et de firmware, t'as la taille pour pouvoir le faire. Moi, j'ai des machines chez OVH, etc. Il y a plein de problèmes de firmware, etc. Ouais, j'ai 4 machines, j'arrive à les gérer tout seul. Quand t'atteins une taille très importante, j'espère que t'as les ingénieurs pour les gérer et pour faire des choix d'architecture à ce moment-là. Je suis d'accord, mais le hardware, c'est quand même un level above du software. Oui, mais il y a des solutions qui existent à l'heure actuelle, parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir eu. Et il y en a qui l'ont fait, et on peut donc essayer de les traiter. Et ça, le problème, là, c'est qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'optimisation locale, qui est que chacun fait sa petite optimisation dans son coin, sans avoir une optimisation globale. Et donc, racheter des machines différentes, Eh ben oui, ok, les achats vont être pas contents, mais peut-être que ça va améliorer à l'autre bout de la chaîne. Mais si jamais tout le monde fait une optimisation locale avec les achats qui essayent de négocier les prix au moins cher, etc. C'est hypothétique, mais. Oui, mais on peut. Mais en fait, ça, c'est le truc que j'ai envie de dire. C'est que. Enfin, moi, il y a un truc ultra important, c'est que si tu ne peux pas tester, tu ne fais pas. C'est un truc qu'on devrait mettre institutionnalisé avec des règles partout, au-dessus des murs, au fronton des entreprises quand on rentre. Si tu ne peux pas tester, tu ne fais pas. Alors, je vais te dire, si je peux juste rajouter, moi, sur le principe, je suis assez d'accord. Par contre, si jamais tu arrives à convaincre ta boîte de changer le matos pour avoir des trucs testables, j'érige une statue en ta faveur. Parce que je pense que plus la boîte est grosse, plus c'est difficile à faire bouger. Ouais, ouais, et je pense que ça va être très, très, très compliqué d'un point de vue humain. Il va falloir se battre pour plusieurs années. Moi je pense que vraiment c'est une grosse partie du travail, donc c'est aussi pour ça que j'en parle, hein, mais essayer de faire bouger des entreprises, plus c'est gros, plus c'est dur en fait, et du coup plus il y a de gens à faire bouger, plus c'est compliqué. C'est l'expérience que t'es en train de nous dire là. Non, je vais pas aller là-dessus. Non, ce que je voulais dire, c'est plus il y a de gens à faire bouger, plus il y a de personnes à former, à essayer de convertir donc à cette culture DevOps, à ces bonnes pratiques, et plus c'est compliqué, et plus on se heurte à des murs, plus on a de la résistance, et du coup, il faut gagner en persévérance et continuer à faire de l'évangélisation, mais c'est compliqué, c'est long, et ça prend de l'énergie. Est-ce que j'ai le droit de faire une transition, ou est-ce que t'as quelque chose d'autre à faire? Parce que j'ai une transition géniale. Ah, j'allais dire, comment tu testes ces Dockerfile aujourd'hui? Ah, bon, allez, vas-y, on va continuer. Ouais. Garde la transition, j'avais une super transition, on me l'enlève et je la garde là. Ouais, c'est extrêmement un problème. En fait, ce que je pense, c'est que tu ne dois pas tester un Dockerfile. Je vais être, c'est-à-dire que en fait, tu t'en fous, ce que tu veux, c'est le résultat final et tu testes le résultat final. Mais donc, c'est pareil, donc t'es en mode run, break, fix quoi. Hmm? Donc, en mode run, break et fix, jusqu'à ce que ça passe, quoi. Non, oui, mais l'avantage, c'est que quand c'est break sur ma machine seulement. Et en fait, je ne pousse en prod que la version que je veux. Et surtout, je peux le rollback. C'est-à-dire qu'un conteneur, un artefact de conteneur, je peux le rollback sans effet de bord. C'est-à-dire que la chose est repartie, etc. Et c'est ça qu'on doit créer. Donc, en fait, il faut pas tester la façon dont on fait, il faut tester le résultat. Et en fait, ce qu'on veut à l'heure actuelle, moi je m'en fous si les gens en fait mettent n'importe quoi dedans, enfin vraiment ça sera chiant pour eux et je viendrai les aider, etc. Ce que je veux à la fin, c'est juste que les gars ils puissent bien développer et avoir ce dont ils ont envie en fait, enfin, et ce dont ils ont besoin. Donc en fait, tester le Dockerfile, enfin ils pourraient même le faire avec plein d'autres outils. Ce que je veux tester à la fin, c'est un contrat, c'est est-ce que le conteneur qui est spawné répond à ce qu'il devait faire à la base. Mais ton Ansible, c'est du même niveau, au final. Enfin, ton résultat... Mais le problème c'est que l'outil n'est pas la finalité. Donc, en fait, tu testes quelque chose qui va tester quelque chose... Enfin, en fait, il y a deux niveaux d'abstraction qui deviennent extrêmement durs à faire. C'est l'homme qui a dit qu'il a vu le loup, qui a vu le loup. Enfin, c'est un peu ça le problème. Alors que quand on teste un Dockerfile, comme on est application-centric, on teste l'application. On teste si le contexte de l'application fonctionne. Et ce contexte-là, il marchera sur quasiment tous les Linux. Et donc, on a directement un test qui est... En plus, ce Dockerfile, il est proche du code. Donc, il est inscrit dans le déploiement dedans. C'est pas une autre équipe qui le gère. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Donc, ça va être vraiment dans l'application. C'est un artefact. Avant, on avait un artefact qui était notre code, voilà, notre bash. Et voilà, on espérait que ça marche. Ça marche pas tout le temps, parce qu'en plus, on fait des shell out avec la moitié de la planète. Puis un jour, on s'est dit, ouais, on va quand même faire le Python avec des librairies, voilà, c'est un peu mieux, mais bon, on a quand même tout le contexte qui va autour, le OpenSSL, etc. Et ensuite, on s'est dit, allez, on va faire des blobs géants du type jar ou super jar, uber jar, où il y a tout dedans, la moitié de la planète, etc. Mais on a quand même un problème avec l'exécuteur. Et puis à la fin, on arrive sur les conteneurs. Enfin, et c'est juste la transition logique de plein d'années de développement qui arrive à ce concept-là. Et allez-y, c'est plus ça en fait, moi la finalité, enfin de ce que je vois à l'heure actuelle. Et donc, je reviens sur ma transition et je le fais très très vite et c'est à vous d'en parler. Tu parlais donc justement de la difficulté d'amener ces choses-là en entreprise. Je pense justement, donc voilà, c'est le sujet de l'innovation qui est comment on amène justement ces sujets de disruption là-dessus. Et t'as un truc très fort sur l'innovation et je vais te laisser. Oui, en fait, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement, c'est que pour moi, rien que le mot innovation, ça fait un petit peu buzzword, j'ai un peu du mal à l'entendre. Le problème que j'ai avec ça, en fait, c'est que j'entends beaucoup, beaucoup parler d'innovation, je lis pas mal d'articles sur le sujet, et en fait, j'ai pas tellement l'impression d'amener l'innovation dans l'entreprise où je suis ou chez mes clients, j'ai plus l'impression du coup de faire une veille techno, de leur apporter des bonnes pratiques. Mais en général, j'arrive pas à aller sur le point où je pourrais innover et faire des choses vraiment qui m'intéressent à approfondir un sujet, puisqu'en fait, amener l'entreprise jusqu'à déjà, je vais pas dire l'état de l'art, mais sur déjà ce qui se fait de mieux au niveau du secteur dans lequel on se trouve, bah déjà ça, c'est très très compliqué. Donc innover, j'en parle même pas en fait. Pour eux, c'est une innovation. Après, pour toi, ça peut être frustrant, parce que si tu es par exemple un nouveau, je sais pas quoi, mais eux, les amener déjà à l'état de l'art, pour eux, c'est une... Ça peut être quasiment une révolution, quoi. Alors, pour toi, c'est pas forcément, t'as pas l'effet waouh, mais pour eux, ils l'ont, quoi. Alors, c'est le débat en fiction quand t'es presta, mais. Est-ce que tu satisfais tes clients ou est-ce que c'est toi, tu fais plaisir? Enfin, bon, en caricaturant le truc, mais. Instant troll, innovation, c'est. Si on prend l'étymologie, innovazione. Monsieur Capello. C'est Monsieur Capello, novare, innovare, rendre nouveau, renouveler, faire, c'est l'action. C'est introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, de coutume, de croyance ou de système scientifique. Mais de nouveau, enfin, c'est, si, ça dépend. Si tu, à quel est ton, tel ouais, est ton ensemble, ça peut être nouveau pour l'entreprise. Pour ton client, c'est nouveau. Voilà, si c'est toi, pas forcément, mais c'est ça. Pour ton client, c'est nouveau. Pourtant, ça reste innové au sein de l'entreprise. Donc, tu innoves au ministère. Mais ce que disait, enfin, là, je pense, Romain, ouais. C'était que c'était compliqué justement d'amener ça. Alors même qu'ils sont loin, même si c'est innover un peu ou pas arriver à l'état de l'art de nous, c'est compliqué d'amener ça. Donc là, apparemment, c'est la complexité de l'innovation en entreprise. Parce que, donc là, en fait, la question que je vais poser, donc, c'est, un, pourquoi c'est compliqué? En deux, c'est, est-ce que ces gens ont déjà innové, en fait? La question, c'est, est-ce que c'est cette innovation-là qui est compliquée ou est-ce que c'est toutes les innovations qui sont compliquées? Et on va déjà... Bah, typiquement, moi, il y a un dessin que j'aime énormément... où il y a deux personnes qui sont très occupées à tirer une charrue qui a des roues carrées, et derrière, il y en a un qui arrive avec des roues qui dit « Hey, vous voulez pas innover ?» Et donc, les deux personnes qui tirent leur chariot, elles disent « Non, on est trop occupés. » Et pour moi, c'est l'un des principaux problèmes, c'est les employés, les équipes, de manière générale, chez les clients, ils sont dans un quotidien, ils sont pas dans une logique de remise en question, d'amélioration continue. Ils sont dans une logique de bah c'est comme ça et il faut bien qu'on fasse progresser l'entreprise, donc il faut qu'on travaille et on travaille dur, et ils se rendent pas compte que l'innovation est apportée, enfin l'innovation au sens que eux pourraient faire quelque chose de nouveau, parce que pour moi c'est pas une innovation, mais on pourra en débattre encore, hein. Et ça du coup c'est déjà une première difficulté, en fait, arriver à freiner l'ardeur en fait des équipes qui sont en entreprise, qui travaillent dur, hein, ils travaillent beaucoup mais pas efficacement, selon moi, enfin moi de mon point de vue extérieur, ils pourraient faire mieux. Et du coup, amener déjà cette logique d'amélioration continue, c'est déjà un premier frein à faire bouger les choses. C'est déjà quelque chose de difficile, et encore une fois, plus il y a de personnes à faire bouger, plus c'est compliqué à faire bouger. Pour prendre du recul, en gros, sur son propre travail, c'est quoi la stratégie? C'est travailler moins? C'est ça, se définir des... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller typiquement dans ton activité de conseil? Alors, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est né dans le guidon et qui a envie d'avancer. Alors moi, je sais que je suis vraiment partisan des pauses café, de la discussion un peu informelle entre collègues. Je me suis aperçu de ça il y a maintenant 5-6 ans, que les journées où je passais toute la journée devant mon écran et les journées que je passais avec beaucoup de pauses café, bah, j'étais plus efficace quand je faisais beaucoup de pauses café. C'est-à-dire que le peu de fois où je retournais sur mon PC, je codais vraiment beaucoup plus vite. Enfin, ou du moins, je retouchais beaucoup moins. C'est le café, ça. C'est les caféines. Non, en fait, je ne buvais pas forcément plus de café, mais en fait, c'est vraiment la discussion. C'est aérer son cerveau et justement re-réfléchir à son problème avec un point de vue différent. Et moi, je sais que moi, ça m'aide énormément personnellement. Et donc, je trouve que c'est une bonne manière d'aller discuter avec les gens et de leur faire un peu changer leurs opinions. Est-ce que t'es pas un adepte de la méthode Pomodoro, ce genre de truc-là? Alors, j'ai essayé, mais j'aime pas le Pomodoro. Ça fait un bruit infernal et j'aime pas trop le bruit. Désolé. Change le bruit. Là, ce que tu dis un peu, en fait, c'est un sujet qu'on avait pas mal ces derniers temps. C'est la différence entre les doers et les thinkers, enfin ça va pas vraiment, j'ai pas de mot pour le deuxième, en fait là je viens de l'inventer à l'arrache, mais cet opposé aux doers, qui va être que souvent en entreprise, en fait, bah on va privilégier les gens qui font, qui défont et qui refont et qui défont ce qu'ils ont refait et qu'ils ont fait hier soir. Et on a toute une logique comme ça, des fois, où ce qu'on appelait les pompiers pyromanes, et on en a vu plein. Beaucoup. Ces gens qui étaient félicités pour la caca qu'ils avaient réparée, mais qu'ils avaient mis aussi eux-mêmes la veille. Et donc là, en fait, ce que tu dis, c'est que bah il faut s'arrêter donc pour la pause café. Il faut donc avoir du temps pour discuter. Toutes ces choses qui sont parfois, je n'ai pas dit tout le temps, mais parfois déconsidérées. Est-ce que tu mettrais une corrélation entre ces deux faits-là, ça veut dire à un moment où on va privilégier le faire et donc l'entreprise ne va plus innover ou... Il y avait une citation, en fait, c'est un peu le même sujet, que j'avais trouvé ça génial, c'était « Des semaines de code, ça peut vous épargner 2 heures de réunion ». Et je trouvais ça génial, en fait, c'est vraiment le côté « on est parti à fond de balle sur le code sans réfléchir ». Et plus tard, on s'est rendu compte que notre problème n'était pas si compliqué que ça, et qu'au final, avec 2 heures de réunion, on aurait peut-être pu résoudre le problème avec juste 3 heures de code derrière, en fait. Tu prends les bonnes questions, tu as les bonnes règles. Ainsi de suite. Et moi, je pense réellement que prendre le temps de réellement réfléchir à quelle est la solution qu'on veut implémenter, de quelle manière, et du coup de le faire propre du premier coup, fait gagner énormément de temps. C'est pas quelque chose... moi, je sais qu'à l'école, on m'a plutôt appris de... T'as un compilateur qui compile vite, du coup, tu fais du code, tu testes, ça marche pas, tu recommences. En fait, avec l'expérience, je m'aperçois que c'est pas ça le plus efficace, quoi. Le plus efficace, je l'ai appris avec quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté, il devait avoir une 50aine d'années, beaucoup d'années de code dans ses 50 ans. Et lui, il me disait que quand il était à l'école, ils avaient le droit à une compilation par jour. C'était leur maximum. Et donc, en fait, lui, son grand secret, c'était de dire, avant de compiler mon code, bah, j'essaye de m'assurer qu'il va fonctionner. Et j'ai beaucoup appris de cette personne-là. Hein. Concrètement, c'est un peu ce que j'essaye d'appliquer. C'est, je préfère passer du temps, encore une fois, à la machine à café, hein, aussi parce que j'aime le café, à discuter et à être vraiment certain d'avoir compris pour pouvoir écrire le code une seule fois. Or, en général, je l'écris quand même 2-3 fois parce que bon, c'est du code, hein, je veux dire, soyons honnêtes. Mais ça, pour moi, c'est un peu le grand secret de l'efficacité de nos jours. Vraiment planifier, comprendre ce qu'on veut faire, où on veut aller, et ensuite coder. Et ça, tu l'appellerais innovation ou pas? Bah, moi, non, parce que je considère que pour moi, faire l'innovation, c'est faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose que personne n'a fait. Je suis assez fan de l'exploration spatiale et de la NASA, donc pour moi, l'innovation, c'est aller sur la Lune quand personne n'y a jamais été. Mais bon, on y était. On y était. À part citer. Oui, dans cela, on va aller sur Mars. Si quelques complots. J'allais. D'accord. Mais voilà. Donc pour moi, le mot innovation, c'est vraiment ce concept d'aller vraiment là où personne n'est jamais allé. Mais si je me calme un petit peu et que je me dis l'innovation dans l'entreprise, c'est ce que l'entreprise n'a jamais fait, là du coup oui, ça fait partie de l'innovation de se poser les bonnes questions et d'aller là où c'est efficace d'aller et là où il y a de la plus-value pour l'entreprise. Moi, là, la question que j'avais, c'est et qui est un peu élargir un peu, qui est est-ce que les entreprises n'ont pas perdu le goût d'innover, parce qu'en fait, elles sont pas arrivées de nulle part. C'est bien qu'à un moment, il y a un gars au début, même juste qui a créé, qui a innové, qui a fait quelque chose. Il y a forcément eu une innovation essentielle au début. Il n'y a pas eu de génération spontanée de ces entreprises telles qu'elles sont à un moment donné. Est-ce que il y a eu de l'innovation et elle s'est arrêtée? Est-ce que nous, on la voit pas avancer, pas assez vite, parce qu'on a un goût pour une transformation plus rapide? Et donc, bah, comme on va très très vite d'un côté, on a l'impression que les autres sont arrêtés, alors qu'en fait, non, ils avancent, mais à un certain rythme. C'est plus ça la question que j'ai, en fait. Quel serait votre ressenti là-dessus Bah après, j'arrive à... Tu parles de plusieurs aspects un peu culturels où je pense en France particulièrement on valorise pas forcément l'échec, donc déjà t'as quand même des freins à l'innovation qui donc ça peut être poussé à des attitudes assez immobilistes. Tu peux avoir des effets aussi, ben les projets en général d'innovation, c'est un peu des gros projets Big Bang, donc c'est un projet Big Bang, donc c'est avec tous les problèmes que ça peut poser. Donc finalement c'est beaucoup de ressources avec des gros impacts et ainsi de suite, donc c'est compliqué à mener, on n'a pas envie d'essuyer les plâtres 20 fois. Et c'est vrai que du coup la seule solution finalement pour faire un peu d'innovation de façon un peu sereine, c'est plus de se dire on fait de l'amélioration continue. Alors c'est plein de petites batailles au quotidien, mais au moins on avance et on fait des choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément dans la culture. Et des petites choses comme ça, un peu sous le radar, enfin, ou en limite de visibilité, en tout cas, de des échelons supérieurs, ben, c'est vrai que en général, c'est des trucs qui marchent, qui, au moins, t'es content, tu l'as fait, tu t'es enlevé des épines du pied. T'es pas forcément félicité pour, bon, c'est pas grave, mais je dirais que c'est plus des problèmes d'organisation, de budget, enfin, de gestion de projet, quoi, plutôt que de faire des petits incrémentaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas cette, pas encore cette culture-là, que ça soit du Kanban ou autre. De faire de l'amélioration continue, simple et au fur et à mesure, quoi. Alors, c'est. Il va réagir parce que j'en connais un qui boucle quand il y a un incrémental. Ça fait bouillir à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une solution d'amélioration, c'est sûr. Mais l'incrémental, ça fait pas tout. Non, j'ai pas forcément tout, mais déjà, moi, c'est des petites avancées. C'est. Et le Shadow IT, souvent, c'est pas de l'incrémental. Hein. Souvent, le Shadow IT, c'est... Enfin, après, ça dépend comment on définit l'incrémental. L'incrémental, je vais le voir en mode on change une ligne de code par-ci par-là et c'est l'incrémental. Introduire une nouvelle technologie, pour moi, c'est une innovation. Et là, en fait, tu as utilisé le terme de Big Bang et c'est vrai que tu vois, je n'aime pas l'innovation que incrémentale, mais je n'aime pas l'innovation Big Bang. Et je pense qu'en fait, il y en a une autre. Je suis pas du tout dans un tiers exclu. Là-dessus, c'est qu'en fait, il y en a une autre qui est la coexistence de plusieurs solutions en même temps. Et ce darwinisme des solutions qui est, j'aime bien, je vais donner des exemples, hein, j'aime bien ELK et j'aime bien Prometheus, ou pas Prometheus, et ou whatever solution, là-dedans, voilà. On va mettre deux solutions l'une à côté de l'autre. Il y en a bien une qui est arrivée avant l'autre, la plupart du temps. Mais la deuxième qui est arrivée peut très bien disparaître par manque d'usage, parce que pas adaptée à ce moment-là, parce que voilà, personne n'y a vu l'intérêt, elle pourra revenir plus tard. Et donc, je trouve que, en fait, justement, on oppose ces trucs-là en mode, soit je suis Big Bang, soit je suis incrémental, et en fait, on fait un espèce de va-et-vient comme ça entre les deux, alors qu'on peut faire un peu des deux. Enfin, j'ai l'impression, bah, en tout cas. Moi, ton incrémental de dire, j'insère ELK dans ma boîte et j'en fais une première un usage. Enfin, ça me va comme incrémental, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est une taille d'incrément, et finalement, mon ligne de code, voilà, mais. Bah, c'est ça, en fait. Quel est cet incrémental? Parce qu'en fait, pour certains, et après, t'as de la théorie des, qu'on appelle des ricochets, où effectivement, à partir du moment où t'as un truc qui rentre quelque part, j'espère que ça se diffuse, quoi. Le jour où tu remplaces ton ELK. Voilà, pardon. Vas-y. Le jour où tu remplaces ton ELK par la solution X ou Y, tu vas la faire cohabiter pendant X temps. On va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout d'un moment, faute d'usage, tu vas dire, ou de support des équipes, tu vas dire, on va l'arrêter. Pas de bol, t'as encore des utilisateurs qui l'utilisent. Je suis un utilisateur d'Inbox. Oui, bah... D'accord, je suis Inbox, hein, tu vois ce que je veux dire, oui. C'est pas grave, je passerai à l'autre chose. Voilà, je sais que je fais partie des très rares qui ont utilisé la nouvelle solution, elle a pas marché, on revient à l'autre. Sachant que l'autre, en fait, c'est, dans le cas de Gmail, par exemple, c'est inspiré de pas mal de fonctionnalités qui avaient été dans Inbox, elles sont tombées dedans. Voilà, je te donne un exemple que tout le monde connaît et a vu et a fait. Donc en fait, il y a une pollinisation, j'adore ce mot-là maintenant, des solutions entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, de la concurrence naît aussi de l'entraide entre les solutions. Et il ne faut pas opposer les deux. Ce n'est pas parce qu'on a une solution et une autre. Le fait qu'elles existent ensemble font qu'elles s'améliorent ensemble. Et même si à la fin, on enlève une parce que les utilisateurs sont dedans, et ben là, tu fais du support, tu leur dis, tu fais pas un arrêt brutal. Tu dis pas genre, regardez, je vous avais dit que la solution n'était pas bien et regardez, je l'ai fait tomber en arrachant les câbles et je vous avais dit que ce n'était pas bien. C'est pas non plus ça qu'il faut faire. Mais de dire une deprecation date, de laisser aux gens le soin de... passer, de migrer progressivement à autre chose. Pensons, moi, j'ai pas encore migré de Inbox, hein. Je suis toujours dessus. Je verrai quand je change. Je raccroche les neurones. Voilà, comment ça s'est retard. Je rebondis sur le fait de l'innovation et de l'entreprise au début qui faisait quelque chose et puis pourquoi elle serait plus capable de faire encore quelque chose des années après. Je pense que, comme dans la vie d'un individu, il y a une vie de la société. La société, au début, son mission statement, c'est de faire un produit, de faire un service, et de par tous les moyens d'y arriver. Donc elle va y arriver, elle va construire, elle va innover. Donc si son service marche, c'est forcément qu'il apporte quelque chose de nouveau à l'utilisateur. Donc on peut estimer que c'est une innovation, ne serait-ce que de créer, de faire fonctionner son entreprise. Il peut y avoir une innovation dans le design, une innovation dans l'UX, une innovation technique, on s'en fout. Mais si ça marche, c'est qu'il y a une innovation. Une fois qu'on a fait ça, il faut solidifier ces marchés, conquérir d'autres marchés, mais après, so what? Une fois que l'objectif de son entreprise, c'est de proposer ce service-là, qu'est-ce que fait l'entreprise? Est-ce qu'elle trouve un autre service? Est-ce qu'elle change de... Est-ce qu'elle se dit, maintenant, je sais pas, je vendais des petits pains, je vais me mettre à vendre des cornichons? Ou qu'est-ce qu'elle fait? Donc, le réflexe, comme tu disais, culturel, peut-être en France, et je pense partout ailleurs, hein, Google a le même problème, j'estime, bon, sauf qu'ils ont une force de développement qui est autrement à des échelles supérieures, qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est on solidifie, on concentre, on rationalise, et en gros, on augmente les marges, quoi. On fait la même chose en mieux. Et ça correspond à l'état d'esprit incrémental, non révolutionnaire. Donc, pour moi, ça paraît logique. Enfin, logique, pas étonnant en tout cas, c'est assez explicable qu'une entreprise arrivée à un certain degré de maturité soit beaucoup plus réticente à une innovation, hein, ou à de la nouveauté, à de la révolution même, parce qu'en fait, ça ne répond plus aux besoins de l'entreprise, d'un point de vue business. Deal ? Ouais. Deal, si jamais ta SLA est complètement respectée, etc. C'est deal. Ça, c'est pourquoi faire mieux, ça tourne. Voilà, cette réponse-là, si jamais on est à peu près sûr de soi, enfin même pas sûr de soi, que les faits sont là et que la chose tourne. En plus, on a des graphiques de marché, on a des marketeurs qui sont là pour faire des études de marché. En termes de prix, on est dans le normal. Deal. Et qu'est-ce que tu fais maintenant de tous tes gars? Tu les vires? Ou est-ce que tu innoves pas et tu vas dans un nouveau marché, sachant que tu avais déjà un qui était déjà acquis? C'est vrai que l'idée, ça pourrait être, on libère du temps et on utilise nos ingénieurs pour trouver une nouvelle idée. Donc au final, tu fais de la nouvelle innovation. Mais c'est pas ça qui est fait, techniquement. Enfin, en même temps, des ingénieurs qui ont plus de travail sur le produit, j'ai jamais vu ça. Ça m'est déjà arrivé. Attention. Non, mais ça m'est déjà arrivé d'arriver à un truc où, en fait, le produit est là, il a pas de problème, il n'y a pas d'utilisateur, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais là, il n'y avait pas d'utilisateur. Voilà. Bon, il y a aussi... Et donc ça arrive. C'est un problème. C'est un problème, mais que les ingénieurs ne peuvent pas forcément résoudre instantanément là-dessus. Alors, un produit avec des clients et où les ingénieurs ne font plus rien, je pense que non. Mais bon. Oui, non, mais c'est vrai que ton socle technique, il va bouger, etc. Donc, tu as quand même un minimum de maintenance, tu as un minimum d'activité. Ça pas forcément d'innovation, mais ça va être de la MCO. Ouais, mais ça, c'est chiant, quoi. Oui, mais, voilà, mais, oui, mais il en faut, quoi. Je veux dire, après. Oui, mais là-dessus, j'accepterais pour moi de ne pas avoir d'innovation sur une MCO quand ta SLA. Oui, est bonne. Ouais. C'est-à-dire, tu continues de résoudre les quelques pourcentages qui sont derrière la virgule, enfin jusqu'au 100%, qu'il y a des gens pour régler ça, je suis d'accord. Mais voilà, en fait, c'est moi, j'ai pas l'impression, et comme le disait Romain, c'est genre, tout le monde a du boulot, j'ai pas l'impression que quelqu'un en soit là. C'est-à-dire que je connais aucune boîte dont une semi-SLA à peu près bonne soit respectée. Et voilà, donc en final, il y a encore du boulot, il y a encore de l'innovation. Et en fait, je pense, en fait, la solution, la différence aussi dont je voulais venir, c'était quand on parle incrémental, souvent, enfin moi en tout cas tel que je le vois, et c'est peut-être un biais de gens qui vont parler de ça, c'est on le voit en mode, bon, on y est presque à notre SLA, on y est presque, mais voilà, on met encore un petit coup de boost, là, un peu de temps, on fait rentrer le chausse-pied, etc. Et puis vous allez voir, la technologie qu'on avait choisie, elle était bonne. Et en fait, il n'y a pas de remise en cause de la technologie ou de la solution ou de l'architecture qui avait été faite pour justifier le problème de SLA, en fait. C'est en se disant, avec un petit peu d'huile de coude et un petit peu de polish, on arrivera à arriver dans notre SLA, vous allez voir, c'est prévu. On fera mieux. On va vous installer des machines physiques en 15 secondes. Eh ben non. Non, c'est pas possible, parce que la technologie qui a été empruntée, techniquement, je prends un exemple, hein, on va peut-être arriver à 20 minutes ou une demi-heure, mais on passera jamais sous les 5 minutes, parce que techniquement, ce sera pas possible. Mais qui en a vraiment... Après, qui en a besoin? Qui a besoin d'une machine en moins de 30 minutes? N'importe qui, ça peut être intéressant. Après, moi, je sais plus sur la... Aujourd'hui, il y en a quand même dans une société qui a un peu un dictat de l'innovation, où si tu fais pas de l'innovation, t'es has-been, quoi. Est-ce que t'as vraiment... Enfin, jusqu'où t'as vraiment besoin d'innovation? Franchement, bon, si ton produit, à un moment, correspond à plus personne, tu vas mourir. Donc, il faut bien que si tu veux perdurer, il faut que tu innoves sur autre chose. Mais il y a un peu un côté... Enfin, il y a un côté un peu buzzword où faut occuper le terrain, faut occuper l'espace, il faut faire de l'innovation, quitte à valoriser un peu tout et n'importe quoi. Un peu, mais c'est mais là, j'ai envie de dire, le problème de recrutement, il y a le problème de attirer les talents. Oui. Donc, il y a pas 36 000 manières d'actuer, d'attirer. Merci. ça devient dur. Alors, on arrête. c'est la fin. D'attirer des gens techniques, c'est avec de la technique. Donc, bah, il faut avoir quelque chose de vendeur d'un point de vue technique. Et comment on a quelque chose Oui, de mais la question justement, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi? Est-ce qu'on peut, au final. Est-ce qu'on peut prendre un peu n'importe qui de technique? On s'en fout d'avoir des talents. Et on fait du peu-cheu-peu et puis rouler jeunesse, rouler sous les aisselles qui va bien et ça passera. Et on a des problèmes. Non, mais c'est vraiment un point. En fait, la réponse que j'ai à ça, c'est le fait que quand on n'a pas les bonnes personnes techniques, quand on n'a pas tout ça, en fait, ça marche tant que ça marche. Parce que je disais ça marche tant que ça marche. Ça marche tant que ça marche. C'est-à-dire, le plus dur, c'est pas la chute. C'est-à-dire, quand on est en chute libre, en fait, dans un référentiel, comment ça s'appelle? C'est dans les lois de la dynamique. Non, c'est pas les lois de la. Bref, c'est trop tard. Mais en gros, quand on est dans un mouvement rectiligne uniforme, eh ben, on est comme si on était à l'arrêt. C'est-à-dire, l'arrêt n'est que un mouvement rectiligne uniforme. Le problème, c'est le jour où quelqu'un doit changer et qu'on doit changer cette route-là. Et en fait, c'est ce qui se passe quand un concurrent arrive sur le marché à un moment donné où, bah, c'était pas prévu. Et il se passe quelque chose où, bah, on se fait bouffer en deux temps trois mouvements. Et des cas comme ça dans notre industrie de personnes qui étaient quasiment toutes puissantes sur leur marché, et qui se sont fait défoncer, mais il y en a plein. Enfin, genre, il y en a, mais Nokia était le premier vendeur de smartphones au monde, mais genre avec une part de marché de plus de 90%. De GSM, quand même. Non, de smartphones. Bah, ils avaient les tu sais, leur marque. Les Palmes et tout. Non, pas les Palmes. Les Lumia, là. Les 900. Non, les NG, ouais, les trucs qu'ils ont sortis avec les jeux vidéo. Mais non, ils avaient leur truc, les Symbian, c'est ça, tous les Symbian. Ah ouais, merde. Tous les Symbian, ils avaient 90% du marché avec les Symbian, pas trop en France, mais partout ailleurs. Ils avaient 90% du marché des smartphones, enfin des smartphones, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais des téléphones intelligents. Des assistants personnels. Voilà, des assistants téléphoniques. Et ils avaient 90% du marché, ils se sont fait défoncer en l'échelle pas longtemps, et même plus que ça après, c'est qu'ils sont morts, enfin, ils sont complètement morts par faute d'innovation, en ayant viré toutes les équipes d'innovation, en ayant fait le N900 et de l'avoir vendu, enfin d'avoir fait toutes ces tentatives d'innovation. C'est pas vrai, c'était une boîte de télécommunication, donc de radio, voilà, de radio techniquement, parce que c'est là où ils avaient leur histoire, c'est là où ils avaient leur brevet. Et au final, le terrain de l'innovation s'est déplacé. C'était plus sur qui ira le plus vite sur le réseau, qui fera la meilleure modulation. C'est celui qui fera le meilleur design, qui fera la meilleure expérience. Ils avaient eu une première innovation sur les Symbian. Il y a bien un gars un jour qui a posé les boules, ses couilles sur la table et qui a dit on va faire un téléphone intelligent, et il a gagné. Sauf que après toutes les tentatives qui ont été faites après, type N800, N900, je crois que c'est Engage. Ça. Engage. Après les usages, t'es pas. Non mais les Lumia, on n'est pas non plus là. Oui, mais la connectivité qu'elle est avec aussi. Mais d'autres ont réussi. Enfin, ce que je veux juste dire, c'est que eux étaient très avancés technologiquement, ont arrêté. C'était les leaders, se sont reposés sur leurs acquis en disant ouais, bah Android, ouais, vous êtes bien mignon. On va stabiliser Symbian. Non, mais on va vous rajouter 3-4 fonctionnalités. Ok, vous voulez du touch? Ok, on va vous rajouter du touch dans Symbian. Et c'est ça qui s'est passé, mais vraiment, c'est ça qui s'est passé. Ils ont été complètement wipés. Le cas de Microsoft est un peu différent, et attention aux mots que j'ai fait, c'est que Microsoft était multidisciplinaire dès le début. Ce qui fait que là où dans certaines parties, ils se sont fait, mais laminés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul serveur Microsoft, enfin Windows, dans le top 100 des supercalculateurs. Ouais, bon, bah, la belle affaire, ils s'en foutent, ils avaient plein d'autres marchés pour gagner de l'argent, et donc ils ont réussi à se refaire. Mais dans un certain secteur, une boîte qui se fait complètement wiper de la carte alors qu'elle était leader, il y en a plein. Et toute notre histoire est faite ça. Souvent, on dit que c'est la faute de je sais pas quoi, etc. Pour voir un peu l'intérieur de certaines boîtes, on voit que des fois, c'est la technique. C'est la technique qui était plus capable d'innover, plus capable de délivrer, plus capable de faire plein de choses comme ça. Quand on peut plus délivrer, le marketing peut faire ce qu'il veut. Si on délivre plus, on délivre plus. Ou qu'on est en retard et qu'on. Voilà, on n'arrive pas à rattraper, on a pris trop de retard. Donc je pense que l'innovation est vraiment au cœur, même des fois. On ne s'en rend pas compte tant que ça n'arrive pas. Et c'est vrai qu'il y a des marchés où sans doute il n'y aura jamais de concurrents, parce que c'est des marchés d'ultra niche, où il faut connaître le marché, où on a ce qu'on appelle un unfair advantage dans le marché, qui est qu'on le connaît, qui est qu'on a une réputation énorme. Je vais prendre Le Bon Coin, par exemple, qui était un site, mais moche comme c'est pas permis. N'importe qui aurait pu les détrôner. eBay, par exemple, a tenté, etc. Bon, il y a eu d'autres aspects autres que techniques qui ont fait qu'ils sont restés, mais ils sont quand même en train de se remettre en cause à l'heure actuelle, ils sont en train de tout refaire pour justement pouvoir innover et intégrer les nouvelles technologies, et on le voit là à l'heure actuelle, dans le site Le Bon Coin, on a plein de nouvelles choses qui apparaissent, un rythme effréné par rapport aux 10 ans qu'on a connus avant. Donc rien n'a bougé. Rien n'a bougé, même pas la page d'accueil, même pas la couleur. Mais c'était fait exprès. Oui, non, mais en fait. Enfin, au bout d'un moment, ça marche plus, mais c'est vrai que. Voilà, mais maintenant ça marche plus. C'était identitaire. Oui, mais voilà, mais maintenant ça marche plus. Et demain. C'était identitaire. C'est un mot. Ah, mon dieu. Ah, bon. Je me souviens à quel point c'était moche quand même. Oui, oui. Mais ça plaisait. Non, voilà, non, mais donc ça dépend des marchés, etc. Mais là, ils s'en rendent bien compte qu'il faut changer. Et donc, à l'heure actuelle, je pense que si on est dans. Les gens à peu près qui écoutent ça savent qu'il y a des offres d'emploi chez Le Bon Coin, quoi. Enfin, je pense qu'on a été appelé vu des offres d'emploi là-dessus. Moi, ils m'ont pas appelé, moi. Moi, je suis plutôt Datadog, tu vois. Ah oui, c'est vrai que toi, ils vont toucher la bague. Ils vont toucher Datadog. Le néo. Bref. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait déjà, on a fait un bon tour. Je pense qu'on est bien. On va avoir la voix. On va se reposer pendant deux jours, la voix, suite à ce podcast. Donc, est-ce que vous avez tous un dernier mot, quelque chose qui vous est revenu? Parce que le premier sujet, mince, j'ai pas eu le temps de dire ça. Non, faudrait que je me refasse le podcast là pour le coup. Ah, c'est le but, hein, c'est bien de se réécouter là-dessus. Bon, je pense qu'on. Romain, non, c'est bon. C'est bon. Non, parce qu'après, en fait, il y a des trucs qui pourraient revenir, mais je pense ça que ça pourrait repartir. Au prochain numéro, en fait. Voilà, de toute façon, voilà. J'ai plein d'autres choses que j'ai regardées dans les sujets qu'on a abordés, notamment sur l'innovation. On n'a pas parlé du recrutement, on n'a pas parlé de tout ça. On a déjà fait un épisode sur le recrutement. Oui. Épisode, je sais pas combien. Saison 1. J'ai pas mis de saison dessus. Ah merde. C'est-à-dire, on n'en faisait pas assez pour faire des saisons. 139. Voilà. Et puis un chiffre qui s'incrémente, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Bon, après, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, je m'en fous, en fait. Non, pour le coup, on verra peut-être plus tard. Au début, j'en avais mis. Bon, bref, on va arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez donc retrouver, j'espère, donc là, je suis en train d'appréhender cette magie qui est la vidéo. La vidéo. Ce truc un peu magique qu'on voit apparaître en 2018 sur certaines plateformes de des choses comme mieux. Ça n'a pas été très passionnant, comme... très animé. Le son est mieux. Bon, on était autour d'une table. On nous a dit que le son était très bon Il paraît. Parce qu'on a des gens qui l'ont vu en direct. Il y avait des privilégiés. Donc voilà. Ouais. Donc, en tout cas, les prochaines fois, je vais peut-être, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, peut-être qu'on fera des événements comme ça avec une diffusion en direct où vous pourrez commenter en live via YouTube. Et la semaine prochaine, nous avons le DevOps Rex. La semaine prochaine, nous allons au DevOps Rex. Donc, si jamais vous voulez nous rencontrer, allez sur la vidéo, voyez notre tête, alpaguez-nous dans le DevOps Rex. Mais oui, nous serons au DevOps Rex la semaine prochaine. Pour DevOps Rexé et On verra et voilà et on va voir si c'est dans le cadre de la conférence dont on parlait tout à l'heure. Je pense que là des retours d'expérience, bon, ils sont tous normalement différents, enfin j'espère qu'ils n'ont pas eu tous les mêmes problèmes tout le temps. On essaiera de faire un truc. J'ai toujours voulu faire un vlog, un petit truc où on interview les gens directement dedans. On verra ce qu'on fait, c'est la surprise. Si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà. Et voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Donc voilà, on vous dit au revoir. Et puis à une prochaine dans le DevOps.